Pour être satisfait, plus besoin de faire de la qualité. C'est pas le rap qui m'endort, c'est les MC qui sont fatigués. Mon rap est trop stylé, le tien pue la merde. Tu vas perdre, tu vas perdre. Mon rap est trop stylé, le tien pue la merde. Tu vas perdre, tu vas perdre. Mon rap est trop stylé, le tien pue la merde. Tu vas perdre, tu vas perdre. Mon rap est trop stylé, le tien pue la merde. Tu vas perdre, tu vas perdre. Tiens, prends des passes qui défoncent, reprends des forces. Un brin d'averse qui passe si ta langue s'approche trop près des fesses. Une pluie verte nucléaire, ça va au-dessus de ta tête. Vas-y, sors un CD, tu m'en mettras 12 palettes. J'suis trop lent, j'suis resté bloqué. Le temps que j'me décide à faire un truc à la mode, ce sera déjà démodé. J'suis perdu dans la secte au milieu des ombres capuchées. Regardant ta carrière se faire des anusées. Me parle pas de rap, j'suis dans ma secte et ma musique ludique, pudique, adepte du spliff. Mais le rap a eu un peu trop d'inspiration. J'suis pas dans vos partous, j'ai pas mon carton d'invitation. La musique c'est comme une femme, la mienne n'a pas de faux cheveux. Tous vos clips sont tellement propres qu'ils me font mal aux yeux. Ton rap sans la mine, j'te rap. J'suis plus la merde, mais j'suis le meilleur parce que t'es encore plus vinge que moi. Cherche-toi, non, ça frère. Sur les pieds du mer, 93 Mon rap est trop stylé, le tien pue la merde. Tu vas perdre, tu vas perdre. Mon rap est trop stylé, le tien pue la merde. Tu vas perdre, tu vas perdre. J'ai dit, mon rap est trop stylé, le tien pue la merde. Tu vas perdre, tu vas perdre. Mon rap est trop stylé, le tien pue la merde. Tu vas perdre, tu vas perdre. Frère, cherche pas plus loin ma gueule. Comme ça, mon banner. Talentueux à scène, voici ma scène avec un ré. Hey yo yo yo yo yo ladies and gentlemen, happy new year. Et on est toujours présent, vous êtes sur le 107.0 et c'est ce qu'on appelle 0. Une entrée en matière. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes, chers auditeurs, chères auditrices et chers baltringues et baltringues préférés. Vous êtes donc sur le 107.0 car c'est la fréquence qu'il vous faut. On est d'accord là-dessus. On vient juste de commencer les hostilités. Certains appelleraient ça un attentat sonore. On vient juste à l'instant même, pour vous annoncer la couleur, de vous balancer un peu de son chatoyant pour vos petites oreilles fragiles. Mon Dieu. Mon Dieu. Drex, tu sembles décontenancé. C'était un extrait du nouvel album de Senza qui est vraiment épique. Épique, le mot est lâché. Très lourd. Le mot est lâché. Et donc, bon voilà, on vient de vous salir les oreilles, messieurs, dames, et vous êtes avec nous jusqu'à 22h en direct sur le 107.0. Et c'est toujours avec un grand plaisir que l'équipe de la Big Antenne vous accompagne ce soir avec à ma droite l'ineffable, l'inénarrable Mr. Drex. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Et à ma gauche, Mr. The President. Yo. Yo, exactly, exactly. Yeah, yo. On nous a malheureusement amputé d'un chroniqueur, notre ami Levaux, à qui on passe des gros bisous. Il s'est exilé en Bretagne. Il s'est exporté. Ouais, voilà, tant pis pour lui, tant pis pour lui. Donc on garde en tout cas les rênes de la Big Antenne et on va l'étendre tout au long de l'année, en tout cas. On peut préciser que la date change. Que c'est... La formule change un tout petit peu, effectivement, puisque maintenant on vous retrouvera à partir donc le deuxième jeudi de chaque mois, donc de 20h à 22h, sauf peut-être surprise de votre équipe éventuellement. N'écoutez plus le mercredi, ça sert à rien. Vous pouvez, mais ça sera peut-être plus de l'accordéon du coup. Hein, en tout cas, si vous voulez écouter de la musique qui déboîte la nuque, eh ben voilà, c'est le deuxième jeudi de chaque mois à partir de maintenant. Donc on vient de vous mettre effectivement dans vos petites oreilles fragiles, messieurs, dames, un morceau tiré de la album de notre ami Senza, Retour au Temple, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, hein, qui est sorti en décembre, il y a un mois, qui est ultra, méga, maxi, putain de lourd, on est d'accord là-dessus, avec, c'est plutôt vrai, avec un grand Z, donc voilà, ça annonce la couleur de notre ami Senza sur cet album, comme il l'a dit, mon rap est trop stylé, le tien pue la merde, tu vas perdre, tu vas perdre, et c'est ce qu'on va venir vous distiller tout au long de l'année, messieurs, dames, avec, on va pas vous spoiler, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir trouvé, mais en tout cas, de grosses, grosses surprises qui arriveront dans vos oreilles chastes et pures tout au long de l'année, messieurs, dames. Donc, on est là pour parler un peu de musique, à ce qui paraît. Ah bon ? Je sais pas, moi, je suis juste là en touriste. Ah, parce qu'il y avait de la lumière, mon cher Drex. Mais on va quand même passer un peu de musique, et puisque de toute façon, apparemment, 2020, ça va être une grosse année pour le collectif du Z. Le collectif du Z, un groupe qu'on affectionne particulièrement, l'usine, hein, avec un grand Z. Qu'on surkiffe particulièrement, effectivement. Et est-ce qu'on peut le dire à peut-être nos auditeurs un peu curieux, Michel, Michael Cull ? Oui, on peut le dire que nos amis de l'usine, la squad montreuilloise, seront présents sur les planches donc, du Hip Hop Fest 2020. Click that bitch, motherfucker. Hip Hop Fest 2020, le 5 septembre, ça a été confirmé, c'est prêts, officiel, hein. Ils sont pas prêts, on va mettre le bordel, donc on vous en parlera tout au long de l'année, mais pensez déjà à réserver votre week-end le 5 septembre avec donc, le Hip Hop Fest organisé donc, par l'association MC Connexion, vos humbles serviteurs, messieurs, dames, hein, on peut le dire aussi. Toujours présent. On peut toujours, toujours le dire. Donc en tout cas, voilà, on aura l'occasion de retrouver l'usine avec un grand Z le 5 septembre à Saint-Amé. Et ça, c'est acté, c'est sur le papier, c'est noir sur blanc. Et, surréaliste. C'est surréaliste aussi, c'est clairement surréaliste. C'est clairement surréaliste. Mais de toute façon, ils sont un peu. De toute façon, ils vont être bien accueillis et bien reçus. Bah, oui. Et ils ont déjà fait des sons sur nous sans transition. Aucune, puisque bon, dans l'usine on trouve notre ami Senza, on a aussi notre ami Tonio Vaquesso, on a aussi Souffrance et on a aussi notre ami Tony Toxic. Tony Toxic avec son belle album. Belle dédicace sans le vouloir, mais. Sans le vouloir, mais enfin, on va dire qu'on le prend pour nous, avec son album 88. 88, donc. C'est vrai. C'est un album donc, d'un des membres de l'usine. On avait Senza au préalable, donc, qui est celui aussi du collectif de l'usine. On va vous en remettre un petit peu de Senza. Là, on vous a mis son album Inspiration Influence East Coast, qui est très très lourd au demeurant. On va passer après un peu plus de soleil sur son deuxième album, son projet qu'il a sorti au début de l'année 2019 avec donc, l'album Tout droit sorti de Montreuil. On en parlera par la suite. Mais là, on va vous passer dans vos petites oreilles fragiles, messieurs, dames, un son de Tony Toxic. Un son bah, qui nous parle, il parle de 88. Est-ce que c'est son année de naissance? Je sais même plus, je crois que c'est. Je crois pas, non. Non, c'est l'année où ils ont commencé peut-être à kicker. Ouais, je pense. On va réécouter, mais en tout cas, c'est un morceau qui nous parle particulièrement. Et on va vous balancer ça dans vos petites oreilles fragiles, bande de petits bâtards. Et vous allez être contents, puisqu'on est content de vous faire partager ces petites pépites, rien que pour vous, chers auditeurs. Donc c'est parti, Tony Toxic sur l'album 88 avec le titre 88. Here we go, motherfucker. Motherfucker. 88, je pourrais faire semblant, je pourrais faire semblant quand j'arrêterai d'être sérieux. Pour ce qui veut nous parler, reste droit, pas besoin de son périlleux. On récolte ce que l'on sème. C'est ce que le vent a dit aux sales traites quand il a tourné pour couper l'herbe sous le pied. Pareil qu'il faut qu'on s'aime, mais je vois que des sourires fakes sur les visages. Je te parle de famille, toi tu me parles d'héritage. Mon cerveau aurait bien besoin d'un lessivage, un passé périssable. Depuis que mes oreilles n'entendent que les images, ils se sont tous dit braves, aujourd'hui ils disent grave. Ils ont tous cru percer dans le rap ou la vie grave. Et peu importe ce qu'ils pensent de moi, tant que j'ai qui je suis, on peut dire que la vie est belle, seulement après minuit. je fais des disques, j'immortalise mon passé. L'envie d'être tassé, y'a les porcs qui arrivent, je vais me cacher. Alors je rappe car les miens ont besoin d'une bande son. Et si la musique s'arrête, c'est que t'as pas payé la rançon. 88 pour le hip-hop. 88, putain d'année, je commence à me faire vieux. Un micro, un calibre, j'ai choisi, je pouvais pas faire mieux. Depuis l'époque du cartable. 88 pour le HH, la lumière est bon, je joue à cache-cache. 88, putain d'année, je commence à me faire vieux. Un micro, un calibre, j'ai choisi, je pouvais pas faire mieux. Depuis l'époque du cartable. 88 pour le HH, la lumière est bon, je joue à cache-cache. Je raconte plus ma vie dans le CD que dans le CV. Ça veut pas dire que j'ai tout dit, ça veut pas dire que j'ai tout fait. Mais tout fait avec une punchline. C'est probable si j'arrête, mais la musique est addictive comme une cigarette. Une putain d'étiquette, c'est si facile à mettre. Ne fais pas d'erreur, l'agneau s'éteint, devient si vite la bête. Faudrait que je me vide la tête, mais y'a qu'une balle qui pourrait le faire. Dans l'univers, y'a que les lâches qui sont suicidaires. J'écris la nuit jusqu'au lendemain, tant que j'en prends plein. Et si tu m'entends gueuler, c'est juste pour que je m'entende bien. Y'a tout qui change, y'a tout qui se part en couille, elles sont pleines. Bref, le futur n'est qu'un adolescent sans rêve. Incandescent, je m'enlève, l'épine du pied sans aide. Et si tu m'écoutes, c'est avec fierté que je t'emmène. Avec l'honneur, je t'emmerde, mon bonheur sans l'air. Laissez-moi faire avant que l'horreur m'enferme. 88 pour le hip-hop. 88, putain d'année, je commence à me faire vieux. Un micro, un calibre, j'ai choisi, je pouvais pas faire mieux. Depuis l'époque du cartable. 88 pour le HH, la lumière est bon, je joue à cache-cache. 88, putain d'année, je commence à me faire vieux. Un micro, un calibre, j'ai choisi, je pouvais pas faire mieux. Depuis l'époque du cartable. 88 pour le HH, la lumière est bon, je joue à cache-cache. 88, putain d'année, je commence à me faire vieux. Un micro, un calibre, j'ai choisi, je pouvais pas faire mieux. Depuis l'époque du cartable. 8-8 pour le hip-hop, la lumière est mon joue à cache-cache. Pour le hip-hop, pour le hip-hop. 88 pour le hip-hop, pour le hip-hop. Hip-hop. 88 pour le hip-hop. 88. 88. 88. La big antenne. Vous êtes toujours sur le 107.0, vous êtes avec nous sur la Big Antenne. Et on vient juste à l'instant, messieurs, dames, de vous balancer dans vos oreilles un son de Tony Toxic. Tony Toxic, membre du collectif L'Usine, sur son album qui est sorti cette année aussi, hein, en 2019. Donc avec le son 88, où notre ami le président confirme effectivement, 88 c'est son année de naissance à l'ami Tony Toxic. Et donc un morceau de bravoure, un morceau qui fait la part belle au hip-hop, au découpage, dans les règles de l'art, tout simplement. Bien défini. Exactement. Et voilà, c'est pour ça qu'on affectionne tant particulièrement L'Usine, qui reste fidèle à leur style, qui reste fidèle au vrai hip-hop, à celui qu'on affectionne, et pas au truc de Baltringue, juste rock. Enfin, pas les trucs qui sentent la ligne et les... Ça peut sentir la ligne et être cool. Oui, c'est pas la ligne le problème. Non, c'est pas la ligne, c'est surtout ceux qu'on prenne le problème, peut-être. C'est peut-être ça le problème. Ceux qu'on vende. Et ceux qu'on vende aussi. Pour ceux qui savent pas la ligne, hein, tu pourrais définir, Drex? Alors, c'est un mélange de sirop à la codéine avec un petit peu de Sprite et quelques bonbons acides. Acide. Et donc, c'est un peu la boisson qui fait fureur aux States, en tout cas. À ne pas mélanger avec de l'alcool. Oui, ça fait fureur aux States, mais depuis 2006, donc c'est plus très à la mode non plus. Il y a quelqu'un qui sonne, je crois. Ouais. Et donc effectivement, donc la ligne, voilà, c'est un truc qu'on retrouve pas mal dans l'univers du rap, dans le rap un peu ricain, dans tout le milieu trap. Ouais, voilà, c'est un peu les précurseurs de la trap. À la base, c'était des sons de boom bap qui étaient ralentis en fait, avec des voix toutes pitchées en grave, genre et tu vois, et ça c'était. C'était à la base ce qu'on appelait du slow machin. Non, merde, je dis de la merde. Du slow motion, du slow rap. Non, c'est pas ça. C'était du... Putain, j'ai perdu le terme, désolé. Mais en gros, voilà, ça a commencé par là. C'était des sons tout ralentis et tout. Et c'est un mec, un DJ des States qui a bien badé là-dessus. Et... D'accord. Wesh. Ah, et on a des invités surprises, on a des invités surprises en la personne de notre ami le Mike qui vient passer le bonjour, qui vient passer le salam. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et la bonne année, bien sûr, puisqu'on est quand même bien élevé à la Big Antenne. On vous souhaite les meilleurs vœux. Une année pleine de hip-hop, une année pleine de surprises, pleine de joie, pleine de bonheur, de concrétisation, de projets et de social traîtrise en puissance. Ouais, voilà. On va vous repasser, puisqu'on va rester avec le Z encore un petit peu, on va vous apporter un petit peu de soleil. Une chanson de notre ami Senza, toujours, mais sur son album tout droit sorti de Montreuil, qui est là, il fait clairement, c'est un hommage au rap West Coast, ça sent bon la Californie, les lowrides, ça sent bon les moments cruisés, les moments à cruiser au bord de la plage sur son Beach Rider. Ouais, c'est un bon album d'été. Ouais. Ouais, voilà. Très bon album d'été. Et moi, j'ai envie de mettre une chanson qui m'avait particulièrement plu sur l'album. La chanson, elle s'appelle Elle. Et où notre ami Senza, il fait une déclaration d'amour à Montreuil. À Montreuil, bah, fils en Montreuillois, hein, et, Montreuil, capitale du hip-hop. Montreuil, ville communiste historique. Montreuil, qui est quand même, c'est aussi. Pourquoi peut-être autant de rappeurs qui nous viennent de Montreuil? Parce que déjà, bah, c'est la deuxième plus grande ville d'Île-de-France après Paris. Donc, on a un bassin de population assez prolixe, on va dire, et assez prolifique. Un peu de géographie sur ça, c'est beau. C'est important, ouais. C'est important. Et d'ailleurs, justement, c'est sur l'album-là, où dans le livret, on a sur l'album de donc, tout droit sorti de Montreuil, vous avez les plans du RER et tout, les arrêts, la ligne 9 et autres. Vous avez, il pourrait le distribuer à l'Office du Tourisme de Montreuil, hein, directement le livret, hein, à mon avis. Hein. Mais donc voilà, un morceau de notre ami Senza, où il fait une déclaration endiablée, pleine de fièvre, à la ville qui l'a vu grandir, à la ville qu'il a vu naître et qui a vu naître aussi bon nombre de MC, de rappeurs qu'on affectionne encore aujourd'hui. Une chanson en hommage à la ville de Montreuil-la-Rouge, Montreuil l'éternel, Montreuil celle qui continue à être inspirante pour des générations d'artistes. On va écouter ça juste tout de suite, messieurs, dames, vous restez connectés, vous êtes sur le 107.0. Here we go. My baby love, baby, baby. My ladies, baby, baby, baby, baby love. Hi, my girl, hey, lady, baby. Bienvenue dans ma ville, bienvenue dans ma banlieue. Celle qui m'a vu grandir et que tout le monde relue qu'à 100 lieues. Ces formes si délicates me font monter et descendre. Peu importe où je vais, je finis toujours par viser le centre. Sa peau si douce, faite de pavés cassés crottés. J'aime ses imperfections, c'est ce qui fait toute sa beauté. À côté, tous les soifards du coin veulent la plotter. Mais le vrai voyou la traite avec respect, me noter. Elle n'a pas de couleur, déjà tellement métissée. Elle sent la friture, un doux parfum épicé. Les murs de ses rues tatouées suivaient les lignes de son corps. C'est vrai qu'elle a pas beaucoup de blancs becs, mais qu'est-ce qu'ils sont forts. Toujours prête à donner, du plaisir à fumer. C'est mignon, comme les autres villes, elle ne sait pas dire non. Elle n'est pas facile, à apprivoiser loin de là. Spring 9 mérite Montreuil, descendu me voilà. C'est la ville de ma vie, la belle, la seule ville de ma vie que j'aimerais jusqu'à mon cercueil. Ma vie, la vraie, la seule ville de ma vie que j'aimerais jusqu'à mon cercueil. C'est la ville de ma vie, la vraie, la seule ville de ma vie que j'aimerais jusqu'à mon cercueil. C'est la ville de ma vie, la vraie, la seule ville de ma vie que j'aimerais jusqu'à mon cercueil. Ma ville se lève, elle m'a donné un HLM. Ma ville se lève. Quand elle m'a pris par la main, elle et moi on s'est tout de suite compris, pas besoin de baratin. J'aime son réconfort, sentir le battement. Toutes les nuits je me promène sur elle délicatement. J'ai fait tous ses coins et recoins sans pudeur. Quand je suis seul avec elle, je ne vois plus l'heure. Elle est si chaleureuse, j'aime son hospitalité. C'est pas tous les jours facile, toujours un peu de rivalité. Des fois je la regarde tirer, crier, sans aucune force, même si des fois c'est moi qui l'ai fait vriller. Ce que j'aime le plus, c'est voir le soleil briller dans ses yeux. À perte de vue, on s'y perdrait sans horizon. J'entends ses sirènes sans son odeur de barbecue. Même sous la grisaille, je passe toujours par le Q. Elle est si belle, non, ça sert à rien de la refaire. Une décibelle pour avoir embrassé sa terre. Il faut l'avoir connue pour savoir de quoi je parle. Je l'aime à la folie malgré les crachats et les croche-pattes. Beaucoup trop de fils de pute ont voulu la baiser. Mais même si je la quitte, elle ne pourra jamais me laisser. C'est la ville de ma vie, après la seule ville de ma vie que j'aimerais jusqu'à mon cercueil. C'est la ville de ma vie, après la seule ville de ma vie que j'aimerais jusqu'à mon cercueil. C'est la ville de ma vie, après la seule ville de ma vie que j'aimerais jusqu'à mon cercueil. C'est la ville de ma vie, après la seule ville de ma vie que j'aimerais jusqu'à mon cercueil. La big antenne. Waouh, waouh. On s'en lassera jamais de ce putain de jingle. Dingue, c'est complètement dingue. Exactly my Drex, exactly, you got it, you got it. Effectivement, ladies and gentlemen, on vient de vous laisser avec un gros son qui fait particulièrement mal à la nuque. Nous aussi, on aura peut-être un jour un son sur Remerbon. C'était quoi déjà le son, je me rappelle même plus. Avec un son de notre ami Senza, avec le titre Elle, tout simplement. Une déclaration d'amour endiablée pour la ville de Montreuil, Montreuil-la-Rouge, comme tout un chacun l'appelle. Avec donc un morceau vraiment qui fait du bien au moral, un morceau où notre ami Senza se dévoile encore un peu plus, tout en restant fidèle à son style, à son écriture, à ses punchlines toujours percutantes, toujours entraînantes, et c'est pour ça que qu'on affectionne particulièrement vous passer ces sons là. Alors moi, juste après, je vous propose, on va rester de toute façon un peu dans le rap français, vu que c'est un peu ce qui nous intéresse, on est d'accord. Même si notre ami Michael Cole a préparé un peu de son quinri qu'on va vous passer par la suite, histoire de vous faire voyager. Nous, on va vous emmener à Toulouse, si ça vous dérange pas. La ville rose, un grand vivier aussi, qui est la ville de Toulouse, avec pas mal de MC. Et un MC qu'on présente plus, bien évidemment, la Craps, enfoiré, avec l'album L'épreuve du temps. C'est pas son dernier album, celui-là, je crois. Non, pas. Non, je crois pas. Non, c'est l'avant-dernier. Même peut-être encore. Avant-avant-dernier. Celui-là, il commence à dater un peu, mais en tout cas, il est sympa. Et moi, je vous propose un petit morceau en feat avec Mokless de la Scred Connection, qui nous viennent de Paris 18. Et santé à vous, les camarades. Santé à tout le monde, puisque c'est aussi ça la big antenne. C'est de la bonne humeur, du partage, de la bonne musique. Il faut trinquer pour apprécier. Il faut trinquer pour apprécier les bons produits. Notre ami Smoka, ici présent, c'est nous gratifier de bons produits, en tout cas. Bon jus d'orange. Très bon jus d'orange, effectivement. Un jus d'orange qui lui vient des Côtes du Rhône. Voilà, il y a des bonnes oranges. Jus de raisin, moi. Il y a des bonnes oranges dans la vallée du Rhône. Donc, on va vous passer un petit morceau de la Craps. Donc, en feat avec Mokless. C'est un morceau qui parlera à tous les working class héros. D'ailleurs, on fait un petit bisou à Miyagi, d'ailleurs, qui est à l'usine, alors là, malheureusement, devant sa chaîne d'assemblage. À tous les working class héros, puisque ce morceau s'appelle Bleu de travail. D'accord. Et t'inquiète pas, t'auras droit à ta dédicace aussi, Drex, puisque on va vous passer juste après un morceau de Paco avec l'album Amuse-Gueule, et un morceau qui tourne sans arrêt et que nous on affectionne particulièrement, qui tourne sans arrêt sur internet avec un clip où on voit pas mal de ses fans. Est-ce que vous voyez de quel morceau je parle, mon cher? Non, moi je sais pas, mais c'est super. C'est vrai que c'est super. C'est vrai que c'est super. Avec le morceau Bob l'éponge, où où effectivement notre ami Paco, il est comme vous, il est comme moi, il a tendance des fois à lever le coude Et il a fait un clip où il a fait appel à tous ses fans, ou en tout cas ses fans, c'est les gens qui le suivent et le soutiennent en tout cas. Fans, ça fait un peu branleur quand même, on est d'accord. À tous les gens qui le soutiennent. Et le clip est super sympa. Où, bon, bah, c'est un clip d'apéritif, hein, faut pas non plus aller chercher midi à 14h. Mais c'est un joli clip c'est d'apéritif. C'est un très beau placement de produit pour la bière en tout cas. Oui. Non, c'est vrai que c'est un beau morceau. Ça démontre bien la pression sociale liée à l'alcool. Merci Drex. Vous pourrez retrouver Drex en coloc à partir de. En conférence au palais des congrès de Remiremont. 50 euros par mois. Donc voilà, on va vous balancer ça dans les oreilles, messieurs, dames. Sans plus attendre, un morceau de La Crappe sans feat avec Mokless de la Street Connection, avec le morceau Bleu de Travail, suivi sans plus attendre par quelque chose, c'est lié en même temps, Working Class Hero. Ah bah ça va avec. Working Class Apéro, hein. Donc, Bob l'éponge, finalement c'est vachement dans la thématique. On vous balance ça sans plus attendre, messieurs, dames. C'est parti, en avant la musique. N'oubliez pas, vous êtes toujours sur la Big Antenne, bien sûr. Et c'est parti, en avant la musique, pas tard. De plus en plus bornés, les jeunes de plus en plus têtus. Comment tu veux qu'on les calme, et ne serait-ce qu'on discute. Dans l'hémicycle, y'a que des types mystiques qui se disputent. Comme tous ces gros patrons véreux qu'on a envie de traiter. Pas assez d'expérience pour le boss, recruter des retraités. Marre du taulier, on a tous envie de quitter le taf. Afin d'avoir les chaînes aux pieds pour être un petit esclave. Les petits budgets font du surplace pour les grandes vacances. Reste dans la manche, c'est le CAC 40 qui mène la danse. Tourne le dos à tes collègues et tu verras qui t'aime. Métro, boulot, dodo, tous les jours c'est idem. Chacun son gain de pain, chacun sa fiche de paye. Les travailleurs sont pauvres mais ils sont riches de peine. Tu peux pas refuser la pilule que l'État veut que t'avales. Quand on voit le contre-coup de l'emploi, on comprend le peu de travail. Chacun son gain de pain, chacun sa fiche de paye. Les travailleurs sont pauvres ils sont riches de peine. Tu peux pas refuser la pilule que l'État veut que t'avales. Quand on voit le contre-coup de l'emploi, on comprend le peu de travail. Pas de l'échec, ouais les gens qui en passent les chaînes. Non, on veut pas être des légendes, juste plus l'être en bas de l'échelle. Puis tout est cher, la vie met le seum. Comme voir un ami en terre, dur d'assumer. Comme une mère seule qui élève une famille entière. On est français, mais des tas de gens apparemment n'ont pas compris. Soyons fiers de nos talents, ce que nos parents ont accompli. C'est simple, t'as le droit d'avoir le tamas, mais pas de café. Pourtant la plupart se lèvent à 5 du tamas et par staffé. J'ai vu une tasse, même en trichant, j'ai toujours été endetté. Mais qu'y'a que les riches et ceux qui brassent, qui passent l'été entêtés, envie de tout plaquer. Mais ton salaire, mon gars, tu es l'otage. Système claqué, tout est bancal, on est bon car tu es en retard. Et c'est pas le vice dentaire, te demande pas qui est coté. Combien de trim des vies entières, sans mettre un billet de côté. Tout nous oppose, tout. Personne se rappelle ce que c'est d'été. On veut être des patrons, on nous propose à peine le CDD. Chacun son gain de pain, chacun sa fiche de paye. Les travailleurs sont pauvres, ils sont riches de paye. Tu peux pas refuser la pilule que l'État veut que t'avales. Quand on voit le contre-coup de l'emploi, on comprend le peu de travail. Chacun son gain de pain, chacun sa fiche de paye. Les travailleurs sont pauvres, ils sont riches de paye. Tu peux pas refuser la pilule que l'État veut que t'avales. Quand on voit le contre-coup de l'emploi, on comprend le peu de travail. Alors on va commencer avec le projet de réforme du droit du travail présenté par El Khomri. Projet de réforme de droit du travail qui est plus libéral que la vie sexuelle de TSK. C'est probablement affligeant. Je vous la fais courte, les critères de licenciement économique ont été élargis comme le fion des Français. C'est pas peu dire, autant dire qu'on a vidé le concept complètement sa substance. On pourra vous faire travailler 60 heures par semaine. Oh la chance, oh putain, le retour de l'esclavage impeccable, notre modèle social à terre. Et en fait ça tient en quelques mots, bande de bâtards. Arrêtez de tirer sur le tissu de la pauvreté de la sorte, il va finir par craquer. Voyez pas qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui travaillent et qui vont dormir dans la rue le soir, et que c'est pas par amour du grand air. Hey, pour ma part, je paye un fût sec, j'en perds la mémoire. Pétrodan et j'en plus, mec, un enfer fallait me voir pire. On m'appelait le machin d'art, je faisais le tour des bistrots. En retard, jamais un, j'ai arrêté les journées dispo. Le genre de gâtis, je m'en venais pour pas dire quand. J'ai fini sa nuit, sur le banc, il n'avoue pas serment. Alors on oublie, sans pédave et sa tise. Nos vies dans un sale état quand la joie prépare ses valises. Un dégât, réalise, on pense qu'à noir. Y'a le chagrin, tombera la chemise, on dépensera le loyer de chacun. C'est déjà bien, oublie ces cocktails au dessert. Évacue tous les soucis et laisse les problèmes au dessert. Ce soir ça tourne à l'export, panique et ta bière. Tu lèves le compte avec moi, t'es pas tiré d'affaire. Je serai ta pilon. Mec, ça dégomme les branches. La picole est mon filon. Tu peux m'appeler Bob l'éponge. Entre les connes et le bronche, le choix s'avère coriace. Tout ça se rodave sur ma tronche. Je nage pas l'affaire commence. Chaque demain ça recommence. Un vrai malade, j'abuscousse. Combattant du mal par la balle de sang, j'attaque par une mousse. Le bédo m'a mignon. Tu n'es qu'au ma vie. Jamais seul quand je lève mon verre, vu que c'est l'estomac qui traque. Mec, il faut que t'oublies. Oublie la cocaïne et la poudre. À chercher des raccourcis, je vois trop de gars quitter la route. Faut charger, vider ma route. Pas pire, ça pèse l'avenir. De toutes les faiblesses que je connais, la pire, vraie ça. Laisse-moi ça tourne à l'exploit, panique et ta bière. Tu lèves le coude avec moi, t'es pas tiré d'affaire. Je serai ta bête, moi, je ne m'arrête jamais de boire. T'as la mauvaise trajectoire, le tarif est ta mère. Laisse-moi ça tourne à l'exploit, panique et ta bière. Tu lèves le coude avec moi, t'es pas tiré d'affaire. Je serai ta bête, moi, je ne m'arrête jamais de boire. T'as la mauvaise trajectoire, le tarif est ta mère. Je suis venu, j'ai bu, je me souviens plus. Tu m'as vu dans cette rue, je n'étais pas du tout le bienvenu. Pourquoi me soutiens-tu? T'entends, j'ai plus que deux litres. T'es vu, j'ai vite les feux, t'as vu quand chante les murs me guident. J'ai vu guerre et objectif, le cassos de service. Je m'arrête tous les trois, mais t'épices à cause de cette tisse. Oui, je fais du bruit, je chante ma vie, je braille à tutelle. Parfois j'ai vomi, je change d'avis, je squatte la cuvette. Alors oublie, oublie, pépère, je quitte la salle. Par fierté, serre-moi un verre, une dernière petite rasade, frollo. Surtout pas d'eau, t'aimerais pas voir ma grimace. Ce n'est pas sur vieux promo qu'on apprend à boire la vinasse. Est-elle si big que ça? Seulement. C'est aux auditeurs qu'il faut demander. Ah, chers auditeurs, chères auditrices, êtes-vous d'accord pour dire que cette antenne est big? Oui ou non? Répondez à la question et vous pourrez tenter de repartir avec votre poids en CD de Drex. Ah, vu tout ce qu'il y a derrière toi. En CD de Drex, parce qu'il faut les écouler, donc faut bien que ça disparaisse. On va vous laisser donc, messieurs, dames, avec des morceaux qui donnent le smile un peu. Ça fait du bien, ça fait chaud au cœur, ça fait chaud au cœur avec un morceau donc de... qu'est-ce qu'on vient de mettre avant? De Paco... Non, c'était avant de Lacraps avec featuring Mokless sur le morceau Bleu de Travail pour tous les working class héros, parce que dans le rap, on n'est pas forcé, il n'y a pas que des drogués, des schlags qui sont en prison, il y a aussi des gens qui travaillent dans ce milieu-là, à ce qui paraît. Rassurez-vous, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et juste... Oui, t'allais dire Drex? Non, je disais juste... C'est vrai, effectivement. Et juste après, on vous avait mis donc un morceau donc de Paco avec le titre Bob l'éponge. Et tu sais pourquoi Bob l'éponge, Drex? Bah parce que une éponge, ça éponge. Non, parce que Bob l'éponge, parce que Mario Bros et Mickey Mouse. Voilà, voilà. C'était la blague du jour et c'était le quart d'heure humour de l'émission. C'est important aussi de pas trop se prendre au sérieux, bien évidemment, et c'est pour ça qu'on aime vous retrouver, en tout cas, à partir donc de 20h en direct sur le 107.0, puisque c'est la fréquence qu'il... Ne te faut surtout putain de pas. Oui, on est d'accord, on est d'accord. moi, j'ai envie de vous proposer une petite plongée un peu, un morceau un peu Back to the Future. On va aller dans les 90s, si vous voulez bien, avec un groupe qu'on a découvert récemment. C'est notre ami Mickaël qui fait l'antiquaire des rayons Skeud, l'antiquaire des rayons Peura. Et avec un groupe qui nous vient de Lille. Dans Pas-de-Calais, mon cousin, hein, tu connais mon copain, hein, dans chaque 4-9, qui nous vient de Lille, un morceau, un groupe qui s'appelle La Fronde. Bon, bah, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, c'est sûr que c'est pas cobaladé. Avec un morceau, donc là, on est vraiment dans du Peura bien old school. Ils sont 4 dans le groupe. On a Mickey, Tacit, Nabis et DJ Asphalt. Dans le groupe, ça fleure bon le old school, bien comme il faut. Là, tout à l'heure, avant de commencer l'émission, j'avais eu l'occasion de lire une petite interview d'eux. Donc, qui doit dater de 98-99, un truc comme ça, où bah, en fait celui que vous entendrez, donc Tassi, Abyss, le MC, un des MC du groupe, où lui disait qu'en fait le mec s'est un peu retrouvé propulsé à faire du rap parce que ses autres compères, ils voulaient pas spécialement prendre le mic, ils écrivaient des textes à plusieurs, les gars à l'époque, et personne ne voulait prendre le mic une fois qu'ils avaient écrit des morceaux. Donc c'est le MC en question, Tassi, donc, qui s'est retrouvé à prendre le micro dans des petites radios et autres, et le groupe s'est formé comme ça. En tout cas, c'est un morceau, c'est un album qui est très très sympa. L'album s'appelle L'an de fond. Non, j'arrive, L'âme de fond, pardon. L'âme de fond. Ouais, mais il y a un peu le clic-clic, c'est pas ma faute. Le morceau, l'album s'appelle donc L'âme de fond, ça date de 98, donc c'était, à l'époque c'était décidé en noir et blanc. Je sais même pas si j'étais encore né en fait. Hein, du coup. T'étais peut-être pas encore né, ah, effectivement, oui, ouais, peut-être. Bon, pour certains autour de cette table, bon, ça peut rappeler des souvenirs. Tu connaissais, hein, toi, ça te dit rien? Et ben voilà, bon, on va faire découvrir tout ça. Donc, un morceau, le morceau qui s'appelle Le Nabo, un morceau assez sympathique, donc qu'on va vous proposer d'écouter sans plus attendre, puisque donc vous êtes sur la Bigantenne, bien sûr. Donc on reste connecté, messieurs dames, on va vous balancer ça dans vos petites oreilles chastes et fragiles. On reste connecté, vous êtes sur le 107.0, car c'est la fréquence qu'il nous faut. .998 pour la fronte, Tacit au micro. Y'a trop de cadavres dans ce pays. Fucking hardcore. Combien de nous sont encore en vie, conscients, pas éteints, asservis, les vents prennent le pli. Sont de la vie de la majorité, mufflés par le bas, plus ou moins conditionnés, tels des chiens bien dressés. J'ai ce plus d'instinct contestataire, pas de sale muselière. Il n'y a personne pour se rebiffer. La masse est mise au pas, les gens croient tout ce qui est matraqué. On calque vêtements, leur discours et désir. Bien pensant, inaptes à réfléchir. Ceux qui ne savent que subir, qui oublient ce qu'ils sont. Pourtant la pire des capitulations, c'est le renoncement à soi-même, penser par procuration, l'abandon de sa personnalité. Renier ses convictions, unité pour pas sentir seul, plié sous le poids des conventions. Ça pue la mort, la putréfaction, tout le son des Maccabées. L'âme décédée, quelle importance d'avoir la santé. La mort de l'âme, pire qu'un coup de l'âme, tu lèves quoi. La mort de l'âme, pire qu'un coup de l'âme, tu lèves quoi. Oh l'Akba, protège-moi du charme du quimbois qui zombifie ma foi, fais de moi un marginal. Épargne-moi la démarche machinale des flingues qui se gâchent par la consommation de masse, aussi vite qu'un chewing-gum fade, que les samoutes s'accrachent sur leur corps et leur jeune âge. Dois-je déposer une bâche de rage, mes incisives taille déchire le cordon ombilical, la perfusion et mes neurones entament pour le téléguidage. Pour le cercle fondamental de l'attitude uniforme mentale, je pose ici la flore, la faune rare et file les âmes autonomes. Charme que reforme les nazis qui refusaient de voir dans la marque de pavé pour trouver les vers de bas du même niveau de départ. J'ai remonté le cours pour ma part, de rêve en sens inverse malgré ma collection d'échecs. J'ai privé le sac et de la mort dans le cadeau infect. À coup de paix, secouer l'arbre, la destinée pour voir si je suis illuminé comme le pensaient les meubles de l'âme. Hardcore man, fucking hardcore. La mort de l'âme, pire qu'un coup de l'âme, tu lèves quoi. La mort de l'âme, pire qu'un coup de l'âme, tu lèves quoi. Pas démissionnaire de ma révolte, mes tirs demeurent sans équivoque. Ma seule crainte, devenir une loque, un cobaye lobotomisé. Je ne quitte pas mon stock d'illusions, ma raison reste aux aguets. C'est si facile de flancher, périr à petit feu, s'habituer. Vieux fraîchement semé, un zombie si t'as déserté le champ de bataille couvert. Seul ton cœur peut gagner cette guerre. Suis pas le sens du vent, persévère, affine ton jugement. Reste vivant, volontaire, les angoisses sont nécessaires. Bonheur, péage, n'y crois pas, quitte à déplaire. Je tire pas mon chapeau aux copies conformes. Ceux qui ont baissé leur drapeau, je ne veux pas me fondre dans le décor. L'apathie des gogos stresse trop. Car si trompe la mort, ses faiblesses ne va pas s'assimiler. Certains des dents vraies, je défends mon identité. La mort de l'âme, pire qu'un coup de l'âme, tu lèves quoi. La mort de l'âme, pire qu'un coup de l'âme, tu lèves quoi. Je fais marcher ma gouaille, les porcs rouges, la grippe à bon vivant, mes morts potiers au divan, sans ressort. Qui est le survivant, reste le pilon de la terre à des lieux au Liban, de l'Orient à l'Occident. On m'entend jusqu'au territoire occitan, contre la patrie virale et les forces armées d'épouvantail et stable du capital qui perd à chaque con d'être original et RG plane. Chaque crétin leur match de travail, pourtant à l'heure du stade chez moi, face au poste, il y a que dalle à fond. Livre original, j'ai des orties au visage blafard, où je joue en céphale de claque, sort du cauchemar des cadavres. Si j'ai face au miroir, au rêve, au mirage, KY trouble la fièvre de la promesse de ses nuages. La mort de l'âme, pire qu'un coup de l'âme, tu l'espoir. La mort de l'âme, pire qu'un coup de l'âme, tu l'espoir. Accès ou pas en guerre. La mort de l'âme, pire qu'un coup de l'âme, tu l'espoir. Accès ou pas en guerre. La mort de l'âme, pire qu'un coup de l'âme, tu l'espoir. Accès ou pas en guerre. Fucking hardcore. La big antenne. Et yo, on vient de vous laisser, ladies and gentlemen, avec un morceau donc de du groupe La Fronde, avec le morceau La mort de l'âme, un morceau qui sent bon le old school. Un morceau qui date de 98, donc c'est pas de toute première jeunesse, effectivement. Mais c'est important d'exhumer des vieux morceaux, de mettre en lumière des artistes qu'on connaissait pas. Nous, tu as pu voir s'ils ont fait d'autres projets ou... Non, ils ont pas, a priori, non, c'est à peu près le seul truc qu'ils ont fait, eux, en tout cas. Donc il y a un mec de Toulouse, effectivement, d'où l'accent, l'accent un peu sud-ouest qu'on peut ressentir à certains moments. Mais en tout cas, c'est un album, c'est un, là, on l'a poncé tout l'après, mais c'est vrai que c'est assez sympa. C'est un super album. C'est un super album, Drex, effectivement. Effectivement. Donc voilà, en tout cas, l'album L'âme de fond, qu'on apprécie, qu'on affectionne particulièrement, au titre assez percutant, effectivement. Une plongée dans le petit coup de cœur découverte. Quoi. Voilà, le coup de cœur, le rayon découverte. On est comme avec. On va pas citer de nom, ou comme les knacks. Comme la knack, on va pas citer de nom, bien sûr, social trade que vous êtes, on va pas vous faire de pub en plus, saloperie. Par contre, on peut faire de la pub pour les prochains artistes qu'on affectionne aussi particulièrement. Oui. Ils nous viennent eux aussi de Toulouse, la ville rose. Ils la dépeignent plutôt comme une ville noire, en tout cas l'artiste qu'on va vous proposer. C'est un album de Altarba. Altarba, le Toulousain, qu'on retrouve, il a fait des trucs avec la Droogs Brigade, il a fait des trucs enfin, tellement, un peu, tout le monde, un peu tellement prolifique comme mec. Avec l'album La Nuit Se Lève, déjà, l'album en lui-même, c'est un album en carton, déjà super propre, classe, hein, ouais. Super classe, où vous voyez un personnage armé d'une batte de baseball avec des barbelés sur la batte de baseball et une jaquette avec une référence à Orange Mécanique, au logo d'Orange Mécanique. Sur la jaquette du personnage qui se prépare donc à aller affronter la ville avec la nuit qui tombe sur la ville. Et c'est un morceau très sympa, avec un morceau donc en featuring avec notre ami Virus. Donc si vous étiez de bonne humeur, ben désolé, on va quand même vous mettre un morceau de Virus. Le titre s'appelle comme l'album La Nuit Se Lève, avec donc la plume truculente de notre ami Virus. Très toujours beau croisé, très belle, toujours très avec Virus, c'est compliqué, allez tous vous couchez. C'est pas faux, effectivement. Et notre ami Virus le prouve avec brio une fois de plus sur le titre La Nuit Se Lève. On va vous balancer ça. Et juste après, on va vous balancer, messieurs, dames, on reste dans le sud. On va vous balancer un morceau d'une compile de la Bastard Prod. D'où justement, on a Altarba hein, sur celle-là aussi, je crois. C'est possible. C'est pas impossible. En tout cas, on retrouve Furax, on retrouve Jeff Lenner, on retrouve pas mal de monde. Et l'album, donc l'album s'appelle Sans comme un chien, et on va vous mettre le titre éponyme. Avec le morceau qui s'appelle donc Sans comme un chien, là aussi. C'est assez sympathique. Vous allez voir, c'est particulièrement truculent. Donc, on retrouve dans le collectif, on a Divers, Sendo, Abrasif, Furax, Barbarossa et Toxine. Donc, ils sont 5 MC sur ce projet. Donc, sur ce projet, Sans comme un chien. Très belle pochette aussi. Très belle pochette, dessinée dans un style un peu comics US, un peu.

paillettes, gratter les factures sans tasse. Des faits d'armes j'en connais, entre les putes la crasse. Comme juge m'en tape, moi je reste resté bar sans collier. J'ai les mêmes traits d'humour, j'aurais pu faire du lourd. Du sale, reste à ma place, loin de la brousse et si près du gouffre. Je connais les risques, les faits moi serrer la cavale. Je préfère être le prince de ma rue que le roi de la savane. Seul dans une cage, plutôt dressé qu'à la savane. Dans ce cas vouloir la vie du lion, ça m'est rêvé par la savane. Ravi que ce cœur batte la chamade. Au moindre appel d'un oméga, qu'on n'attend pas qu'on lâche la balle. Vaut-moi la peine dans l'oméga. Sans jour comme un chien, sans dieu ni laisse ni maître. Moi j'y vis la paix des miens, tandis que si peu l'estimèrent. Mais blasé combien reste inerte. Ou brisé par des graines tassies. Ne sont que le mal que la peste inerte. Ou grisé par l'empreinte facile. Programmé comme tout félin l'état rugir. Trop amer, trop paumé, mon cœur s'éteint de l'état du givre. Ici ta plainte est abusive. T'es déçu de ta place au cirque. T'avais cru le trône acquis, mais les plus grands s'écrasent aussi. C'est pour mes chiens, mon éclipse. Ce dont je rappelais cent fois la vie qui forge ma trempe. Mon éthique transforme ma rime en squala vide. Déçu qu'au final une bonne action vire en clé de bras. Ce son c'est pour les gars qui se battent en lion vivant clé bar. Entre sa cam et les sans panier, sans pas les coups. Le chien s'est régalé sans gagner, sans pas les couilles. Blessé, stressé, apprécié. Tout fait dernier cri d'un homme agressé. Mon choix est tout à coup, ça va les embris. Pour nous la boue, la route, ça va les embris. J'entends pièce, tu veux manger, je reste allongé d'accord. J'ai fait mes 100 jours, tout va changer, je reste à ranger la corde. Corbeau seul, chien famélie couillonne comme mon sœur. Rien, rien de flat, mes lignes bouillonnent dans ce corosse. La merde colosse, légionnaire des chaînes, oh je vis, moi je vis, amère, les chaunesses des chiennes, oh je mille, les poches vides, je sens l'amiante, les tuyaux, l'agnole, l'agneau, le sang et la viande sur les tuites, non la gueule. Pas de police, tout rentre ici et pas tes maisons. Applaudissent le tour en tricycle des pâtés de maison. Des plâtrés de maison restent comme pire et morose. Les moros et le padre restent trempés les molosses. La vie droite, des miettes ma pauvre, les formes rugissent. Ravis de voir derrière la porte les forces rugir. Chien à l'oustou ou héroïne au man aux Maldives. J'viens là où se tour, c'est dire au man notre mal vivre. Plus vite que les balles, plus vite que les braconniers. Public le collier, gratte les barques, les braconniers. Ça rendra pas la rando sûre, ça fait des gens dociles. Marcher dans la mer, ça rend aussi, ça fait les jambes aussi. Le dilemme en fer sang comme un chien, la mie élevée que l'on s'abatte. Ou un comme un lion, la vie rêvée selon Zapata. Ici, le roi de la jungle vend bien sa farine. Enfin, ça varie, il voit la jungle en plein safari. Ou dans le fond d'un cirque, le fouet cassé d'un gars bourré aux herzos. J'ai fait mon choix quand je l'ai vu passer d'un gars bourré aux herzos. Pour moi, ce sera les clubs sans bas et la vie s'y démarque. Des peuteries, des paquets sans bas et la vie s'y démarre. Hier, lui qui chantait à boire à ce cristal. Celui d'un chiot entre la cuillère et la poêle à ceux qui savent. Un jour au sang, pas de mensonge dans tous les cas, les corps sautent. Donc mon saut, pas de mensonge dans tous les cas, les corps sautent. J'ai appris l'humilité à visiter l'enfer, j'habite aux 30 prises d'humidité. À méditer quand les chapiteaux tremblent. Entre sa cam et les sans paniers, sans pas les coups. Le chien s'est régalé sans gagner, sans pas les couilles. Blessé, stressé, apprécié. Tout fait dernier cri d'un homme agressé. Mon choix est tout à coup, ça va les embris. Pour nous la boue, la route, ça va les embris. J'entends pièce, tu veux manger, je reste allongé d'accord. J'ai fait mes 100 jours, tout va changer, je reste à ranger la corde. La big antenne. Mais bien sûr qu'elle est big. Elle est big. Oh mon Dieu, qu'elle est big. Qu'est-ce qu'elle est big en fait. Oh my gosh, that's so big. Fuck. Oh, that's so big antenne. Oh my god. On vient de vous laisser, mesdames, avec des sons qui, on espère, vous ont un peu cassé la nuque, avec un morceau de notre ami Altarba sur l'album La Nuit se lève, avec le titre éponyme featuring Virus, Virus qu'on ne présente plus, avec donc La Nuit se lève. Il a des très belles punchlines dans ce morceau. Réécouter ce son. À réécouter bien, ouais. Assez bien attentivement, effectivement. Il y en a une, J'aime bien la nuit, on est quitte de Je préfère la nuit, on me demande moins ce que je fais dans la vie. Ça parle comme truc, ça parle pour les noctambules, tous les vampires allergiques à la lumière que nous sommes et qui s'activent passé 18h. C'est vrai qu'il n'y a que la nuit qu'on est tranquille. Ah bah bien sûr, la nuit tous les chats sont gris bien sûr. Voilà. Effectivement, et les chiens aussi. Et les chiens, entre chiens et loups, on vous a laissé effectivement avec un morceau, sans transition c'est pas mal, hein, avec un morceau donc de la Bastard Prod, avec le morceau Sans comme un chien, donc de nos amis toulousains, gros morceau là aussi, ça nous parle bien, c'est dans la thématique, c'est dans la thématique, ça sent bien la crasse, ça sent bien les voix éraillées, burinées par le tabac, et le café noir et fauché du Lidl. Enfin, sans faire de placement de produit, bien sûr. On va vous laisser. Bon, écoute, moi j'ai envie de... C'est bien, on passe toujours de la musique, mais il y a une personne dans le rap français qui manque, qui nous a quittés, enfin qui a abandonné malheureusement le rap game. Et pourtant, Dieu sait qu'il manque, Dieu sait qu'il manque, c'est notre ami. C'est Few. c'est Few qui aurait pris des stéroïdes alors. C'est notre ami. Cynique. Oh, attention, on aime bien Cynique aussi. Non, je parlais du pape, parlais du... Du papa du gangster rap, je parlais de notre ami Alpha 520, bien évidemment. Tu peux nous rappeler ce qu'il fait en ce moment? Alors, la légende d'internet voudrait que notre ami Alpha ait choisi le chemin de la rédemption, se soit rangé et soit devenu imam. Alors, c'est internet qui le dit, c'est pas moi à vérifier, mais en tout cas, je pense qu'il peut préparer quelques sourates avant de se faire de se faire absoudre de ses péchés, notre ami Alpha. Mais en tout cas, Alpha, c'était le rayon de soleil sur le rap français. Il a jamais baissé son cul, il a jamais baissé son froc, il est toujours resté indé. Il avait sorti tous ses projets 2024-2025 avant Racaille 4, Quad 9 PD, Vivre ou mourir à Dakar. Il a eu quoi d'autre? Ben Laden musique. Que des morceaux assez explicites, mais toujours en indé, toujours en indépendant. Il a jamais signé chez Skyrock. Peut-être que Skyrock ne voulait pas forcément le signer non plus, tu me diras. Ça se tient, effectivement. Mais il a toujours, il a créé son réseau de distribution dans son coin, le Ghetto Fabulous Gang, bien évidemment, qu'on retrouvait au puce de Clignancourt, qu'on retrouvait sur tous les parkings de l'île de France. Plaquettes. Entre deux plaquettes, vous pouviez trouver des scuds d'Alpha 5. Et c'est un mec qui a eu une influence énorme quand même, on peut le dire, hein, sur... Enfin, c'est un papa qui est inattaquable. C'est comme, à la rigueur, il y a des personnes auxquelles on ne touche pas dans le rap. On pourrait par exemple dire Al Capote, par exemple. Il n'y a pas beaucoup de monde qui s'amuse à tacler Al Capote. Eh ben, notre ami Alpha, il fait partie de cette caste d'intouchables-là qui a laissé un leg énormissime au rap français, tant dans sa démarche que dans son approche gangster rap. Et même si ça peut paraître très violent à la première écoute, moi je crois profondément que c'est quelqu'un de bien, Alpha, qui essaye de se débrouiller comme il peut, mais il a des paroles où il va taper sur l'État français, il va taper sur l'ingérence colonialiste, il va taper sur l'impérialisme américain, des paroles toujours très éclairées, pleines de sens. Certains diraient que c'est l'apologie de la violence. Est-ce que c'est pas le monde qui fait que nous soyons violents aussi, peut-être, n'est-ce pas? Donc on va vous passer de toute façon ça sert à rien. On a plus rien à dire là. Ça sert à rien de parler aux cons, ça les instruit. On va vous passer donc un morceau de notre ami Alpha 5 sur le morceau s'appelle Nique le reste du monde. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est poétique. Hein. C'est poétique et politique, puisque tout est politique. Notre ami Alpha 5, là, va vous exposer en quelques lignes sa vision du néocolonialisme et de comment s'en sortir au sein de cette économie globalisée. On va écouter le pasteur, le prêtre, l'imam Alpha 520 tout de suite, messieurs, dames. Et juste après... On va vous passer, pareil, on reste dans la thématique, on va vous passer un morceau de son Cool Ghetto Fabulous Gang. On a vous a déjà passé pas mal de trucs de eux, bien sûr, mais on va vous passer, là c'est pas vraiment Alpha 5, c'est plutôt avec, on a Sean et Orozco sur le titre là, attendez que je retrouve, Orozco, Métis et Dex. Ouais, tu feras gaffe, faudra que tu fasses un procès, il y a un mec qui s'appelle Dex dans le... Ça va. Ouais, faudra faire attention là-dessus. DEX, ouais, DEX. Donc, t'as bien fait de mettre un R. Hein. Ouais, t'as bien fait. Je commence à m'inquiéter. avec le morceau Les derniers seront les premiers. C'est tiré de l'album, c'est tiré de, donc, du best-of du Ghetto Fabulous Gang, Les rois du ghetto. Je l'invente pas, hein. Les rois du ghetto, volume 1, CD 2. Donc un morceau, Les derniers seront les premiers, avec Orozco, Métis et Dex. C'est parti, en avant la musique, puisque vous êtes toujours sur le 107.0. N'oubliez pas, c'est la fréquence qui vous fait partage. Pour de vrai, maille pour de vrai. T'entends le bruit du fer, tu sais que c'est un vrai. Les pieds dans mon clip, frères sont de vrais. Gangster en grand boubou, ça aussi c'est vrai. Dakar, pharmacie, boss pour de vrai. Plus de 100 000 albums vendus pour de vrai. Les rares ma cité, racaille pour de vrai. Joue pas les hoches ici, tu meurs pour de vrai. Avant sur mon temps, j'suis un prématuré. Benson en Afrique, j'suis un enfant mort-né. Élucider le mystère des quelques négros suspects. Comme Moïse au Mont Sinaï, frérot, j'vais te guider. Blasphème pas la Casamance et le bois sacré. Maquisard et rebelle, sud sénégalais. Trafiquant tout genre, héroïne cessée. Pas un mec qui est dans le crime qu'on n'a pas exercé. On vit dans des réserves parquées comme des animaux. Avec la viande fraîche, pas des haricots. Dakar libre-échange, dresser les contrebandes. Les coronets se plaignent, nique les restes du monde. On vit dans des réserves parquées comme des animaux. On veut de la viande fraîche, pas des haricots. Dakar libre-échange, dresser les contrebandes. Les coronets se plaignent. Les rescueurs, prendre l'islam. Je suis pas un exemple, écoute pas mon peura. Boy, écoute les imams, prêcher dans le rap. Déjà c'est haram, à part les rues de Dakar. J'pourrais rien t'apprendre. C'est la famille Monégro, au royaume de Lyonceau. Psychopathe comme Hannibal, dans le silence des agneaux. J'attends l'air dans ma cage, laisse ta gorge trouée. On fera les couilles si après, l'État voudra m'écrouer. Maintenant ils veulent m'expulser, puisque j'dis la vérité. Devant le palais de justice, humiliés me traîner. Ils vont jusqu'à collaborer avec les traites de la cité. Qui jouent les gangsters, mais le soir font tapiner. Devant les keufs, c'est pas du bluff. Ouais, négro, ils donnent leur stuff pour une poignée de dollars. Balance le nom de ton ref. J'irai faire ma peine, j'irai cracher ma haine. Au Banyanguillaume ou dans les rues de Cayenne. Hey, on vit dans des réserves parquées comme des animaux. De la viande fraîche, pas des haricots. Dakar libre-échange, dresser les contrebandes. Les coronets se plaignent, nique les restes du monde. On vit dans des réserves parquées comme des animaux. On veut de la viande fraîche, pas des haricots. Dakar libre-échange, dresser les contrebandes. Les coronets se plaignent, nique les restes du monde. Chercher du feu tard, arrête de dream. Ramène de l'oseille à la ragba. Fais belette ici les schmitzo. Plaqué au sol, ton matelas. Retourné à 4h10 bar. Une perquise à la fumale, y'a la daronne. Oulala, redim, archuma. Négro, yeah. Ramène tes flingues, ramène tes pumas, yeah. Ici c'est speed, ici y'a pas le temps. Les négros veulent ta peau, moi je veux leur go. Si elle est bonne, elle fera tout à la carte. En pleine récession du beef, plein les couilles, machallah. Chopé comme la pire, ici, ici t'es un chien. Tu ne meurs pas, tu vas boire. Dégage avant que je te pique. Les négros ne sont pas prêts à mourir, yeah, yeah. Les derniers seront les premiers, les gars. Ne me dis pas que tu paies alors qu'il s'y faut, yeah, yeah. Les poucas finiront qui pisse du dernier, yeah. Il faut plus d'elle, pousse, les chiens boivent, c'est leur taf. Le putain de check te braque avant de s'arracher. Frangin avant le coup de schlag. Brise les lois du quartier pour une schneck. Putain de taras, je vis, j'ai pas besoin d'un schlag. Je viens, je m'installe, écrit brille. Genre, ils savaient pas, je suis imposant et grâce à mes chevilles. J'suis dans mon délire, laisse ma rime te pénètre et connaître. Le vrai son sort de mes fenêtres. Crame les haineux, des yeux dans les mains, que de la braise dans les yeux. J'ai peur que de Dieu, bouteille de gaz dans les box. Pour aller dans les blocs, regarde bien, frère, on est des tocs. Reconnais ton prise, on a toujours traîné en bas. Hypocrite, c'est moi qui perce, la tête sait que je mérite. 77 bars en euros, une centaine de sauces d'art. Tu peux être là les soldats. Mes négros ne sont pas prêts à mourir. Yeah, yeah. Les derniers seront les premiers, les gars. Ne me dis pas que tu paies alors que c'est faux. Yeah, yeah. Les poucas, les poucas finiront qui pièce du dernier, yeah. Soit toucher la main aucune issue pour fuir. Faut que le respect si ta haine me poursuit. Je trouve pas une caïra mais fait ouais pour sûr. En mode Jérusalem si tu veux jouer le juif. Pense au chocolat aux feuilles de tes poursuites. On règle plus qu'on ken plus qu'on fume. Ma silhouette est chouette et toute la planète rêve d'être black. Changerai pas ma peau pour plein d'une. J'ai pas besoin de rétro, j'suis au mur. Génération émeute, tête de mule. La jeunesse souhaite des ronds, une bête de pute. Visser le ciel, casser la lune. À l'âge où tu mates et tabas ta cache. On cachait du marron au fond de nos sacs. Seuls les vannes sont similaires. Saute d'un immeuble, laisse la pesanteur faire le reste. Oui. Oh mais ils sont vraiment trop hardcore vos rappeurs. Ils sont vraiment trop hardcore tous ces rappeurs vraiment. Drex, qu'en penses-tu? Ouais, exactement. En tout cas, on vient de vous souiller les oreilles, messieurs dames, avec donc deux morceaux de notre ami Alpha 520, le Renoir le plus vrai, gangster au grand boubou, mais y a pas plus frais, le pape, le prophète. Moi je ne pourrais tarir, je tarie pas d'éloge sur Alpha 520, il manque malheureusement dans le rap, après il s'est aussi lancé dans une carrière un peu cinématographique, comment il s'appelle son film, Nick, le film de Alpha 5. Si tu me le dis, je te dirai. On a eu par exemple, on se rappelle de notre ami, comment il s'appelle, le gars de Chiki. Le film on l'a regardé il y a pas longtemps en plus. C'est un truc qui se fait assez souvent, qui se fait dans le rap, des mecs qui sortent des albums, qui sortent des films un peu inspirés de leur vie. Ah, Banlieusard. Ouais, non, alors je pensais à Banlieusard, mais avec l'autre de Truand de la Galère, là, comment il s'appelle, Morsaille, voilà, je pensais à Morsaille. Ouais. Bon, alors, il y a eu Morsaille qui avait sorti un truc, et Alpha 5 avec le film La mort avant le déshonneur. Et d'ailleurs, Alpha qui rend un peu hommage aussi, qui a aussi une certaine. Pas mal de références cinématographiques. On pensait notamment à l'album, justement, La mort, Scarface d'Afrique. L'album Scarface d'Afrique qui a une pochette emblématique du rap français où on voit Alpha 5. Qui se tire une balle avec ce qui semble être un Colt ou un Colt ou quelque chose comme ça, avec une belle effusion de sang derrière. Alpha 5 qui sourit face à l'appareil photo avec un flingue pointé sur la tempe. On pense donc au film de Kitano, notamment un film de Kitano. Attendez, je vais vous retrouver le titre de ce film. Mais où notre ami Alpha 5 rend hommage au cinéma asiatique à travers cette pochette. Et donc juste après, on vous avait balancé un morceau d'une compile du Ghetto Fabulous Gang, Renoir, avec nos amis Orozco, Métis et Dex sur un morceau. Les derniers seront les premiers. On en parlait un peu hors antenne tout à l'heure de cette fange. C'est vrai qu'on en parlait. de cette fange de voilà de ce qu'on pourrait appeler un peu le gangsta rap, ils ont quand même ils ont une influence hein, toute sa clique à Alpha. Alors certains pourraient arguer que c'est beaucoup trop violent, qu'on fait l'apologie de la violence, du trafic et autres. D'autres pourraient dire que bah, c'est simplement les confessions d'un mec d'un Sénégalais arrivé en France et qui a très vite déchanté quand il a vu qu'il fallait commencer à remplir le frigo. Une vie de débrouille, une vie de galère, une vie de plan B, de système D, une vie de système D, mais qui a aujourd'hui bah, fait en sorte que notre ami Alpha 5, il est respecté de tous dans l'univers du rap français. Et reviens Alpha, je t'en prie, reviens, tu manques, fais taire toutes ces putes. Fais taire toutes ces petites salopes de buffeurs de line, toutes ces putes qui s'habillent avec des qui volent les fer à friser de leur sœur et compagnie. Merde. Reviens Alpha, merde, reviens. Mon nigga, oui, messieurs, mon nigga, reviens Alpha, reviens, au nom du rap français, que le hip-hop français repose en paix. Moi, je suis toujours violent. Geek beef. Non, mais on va faire quelque chose qui va peut-être, espérons-le, peut-être atténuer un peu les tensions. Puisque là, on va pratiquer ce qu'on appelle communément un attentat sonore, n'est-ce pas, Drex ? Je ne suis même pas prêt moi-même, mais tu ne l'es pas non plus, et on va étendre notre narcissisme jusqu'au bout. Exactement, puisqu'on va vous souiller les oreilles, messieurs, dames, désolé de parler ainsi. On va vous balancer un petit son du cru, un petit son qui vient de la cave, en exclusivité pour vous. Bâtard. Merde. Merde, chier, couille, bite, couille, Barbara stressante. Un morceau, deux morceaux qui viennent de l'écurie de la maison mère qu'on vous a concocté récemment. Bon, bah, de toute façon, oui, on pourra en parler pendant 10 minutes et faire des exégèses sur nos textes. Exactement. Mais on va pas le faire. Un morceau en feat, mon cher Drex et moi-même, sur un titre qui s'appelle Céleste. Juste ensuite, suivi par un morceau du fond du crew. Le fond du crew. Le fond du putain de crew. Comme d'aucuns l'appellent, avec un titre « L'humain courra sa perte », on vous balance ça dans les oreilles, bande de petits bâtards, et profitez-en parce que c'est des exclus. Alors tu cliques et tu kiffes, bâtard. Ça se passe comme ça chez le Mac. Attention, c'est parti, en musique. Céleste, je fais des tests, je m'éloigne de ces fesses, tiens ma quest, sur le fil je reste. Je ne m'égare jamais, je me mets catarpé dans la gueule. Je me mets à taffer sur une prod formelle. Je suis formel, intemporel comme dans du formol. Je suis dans une formule un peu, pourtant je dors mal, mais tout ça m'excite. Je comprends pas qu'elle soit en formol, c'est peut-être normal, faut que j'appuie sur excite. J'ai plus où j'ai foutu cette putain de zapette. Ces bestioles m'énervent abondamment, passe-moi la tapette. Compliqué d'être carré même avec mes 6 facettes. Je veux faire genre de me cultiver, du coup j'ai mis la 7. Et les prières sales dans une église moribonde. Le pareil diagnostic et le purgatoire de musique. C'est d'office et les parfums d'une tragédie antique. Car ce siècle sera religieux ou ne sera pas. Ils attendent tous un messie ou l'avenue d'un grand homme providentiel. Grand relent démagogique quand on parle de suffrage universel. Le fascisme se maquille et petit à petit il vient vider notre gamme. Pour nous rappeler que plus rien n'est drôle ici. Rédigeons en exégèse pour ce vieux monde qui se meurt. Ce système à bout de souffle qui est au bord de la tumeur. Entendre les sangs gronder, eux qui sont dans la fureur. Qui n'ont plus comme dignité que des ectolites de fleurs. Dans cette fange abominable qui se remet en horreur. Dois-je comprendre qu'ils trouvent ça drôle de voir des villages en flammes. C'est tout baisse au l'ordre fort de chaque côté du Bosphore. Je suis gelé, je vis la vérité céleste. Je suis gelé, je vis la vérité céleste. Un moment qu'au lieu de faire du son, je tue des skacs, je fais le schlack plus qu'avant car ça ne m'aide plus. Check moi je lag, ta gueule, je fais ce que je veux de ma vie. Si je veux me laisser mourir, t'as pas à donner ton avis. Man, get ton écran. Si tu es de rien, je ferme les yeux, je veux pas voir ce que l'humanité devient. La weed et le vin m'aide à fabriquer ce bien. Otis, tu sais que je kiffe quand j'agite mes deux mains. Certes, ouais, on est chill aujourd'hui, mais demain, qu'est-ce qui dit que bientôt nos ventes ne vont pas crier de faim. Moi je veux prier, je viens pour tout plier. Viens même pas tenter de casser les couilles, je vais vriller. Tout devient merdique, plus que jamais faut trier. Si tu veux pas retrouver tes yeux crevés ou tes oreilles sciées, je ne me casse pas les pieds, je ne me fais pas prier. Je ne fais que m'assurer que tout est suffisamment lié. On entend les appels du cœur, tu peux être qu'on a meurtri. Gros volume n'est plus à l'heure, c'est Big Dick qui l'a oxy. Comme un ogre qui veut vivre, son spleen et sa rancœur repoussant cette aile unique. Tour qui choque d'un nouveau ciel et se débattant pour survivre. Est-ce la France ou juste ce monde qui semble vouloir nous nuire? Les moulins de ce nouvel air n'aspirent plus qu'à nous détruire. Ils veulent nous nos libertés pour en faire du beurre sordide. Rythme lié en cravaté, en grande âme de mes consorts. J'aspire à vouloir sourire face à toutes ces métaphores. Je m'entête à en pâlir. Grand déballage d'oxymores sous l'ombre d'un résineux. Les aiguilles ainsi que morts ont un pouvoir vertueux. C'est un peu du coin de l'œil que je regarde mes semblables. Car chaque crime est un linceul, mes intentions fort peu loin. Je veux bien chanter de belles choses, mais qu'on m'en donne l'occasion. C'est écrit à la va-vite pourvu que ça reste un brouillon. Putain, j'hallucine, Manu Macoura, sa perte. Faudra plus qu'une aspirine pour sauver la planète. Chercher l'air pur d'un air bête, jeter le futur par la fenêtre. Poubelle à la merde, que de la merde dans ton assiette. Putain, j'hallucine, man, l'humain court à sa perte. Faudra plus qu'une aspirine pour sauver la planète. Chercher l'air pur d'un air bête, jeter le futur par la fenêtre. Poubelle à la mer, que de la merde dans ton assiette. Check, la chaleur, disons que c'est l'enfer qui se rapproche, man. Man, on est con, des radiations, on se rapproche. Get overdose, on consomme à forte dose. Ma sera pire que hier, y'a qu'à t'aimer à la santé. Du climat, j'suis pas content, gars. La faune canne, la fleur crame. Des gosses clams, toi tu chiales pour ton iPhone, j'tremble. J'en ai des espaces, tout ça me laisse à faune. Frérot, ma parole, j'te viscère des textes, teste ta patence. Voilà ma synthèse ou un chargeur chargé de conscience. Au moins de deux, j'ramène 10 gars qui niquent la France. Un joint de but à peine 10 heures à dans la panse. Parfois me morait, la sèche, la baffe sous l'oreiller. J'suis tiraillé, m'tira ailleurs ou tiré sous le bonheur. La 8, le 20 m'aide à oublier ce monde de chien. Putain, j'hallucine, man, qu'est-ce qu'ils feront demain? Si tu croises pas le gros, c'est qu'un projet strain. On gratte sur du papier que des forêts crament. On lâche des billets, s'oublier pour quelques grammes. Comme Drake, je vais briller, tout plier, c'est un drame. La bêtise humaine me donne envie de mettre de grosses calottes. Ils seront pas plus aimables, les gosses, même avec des carottes. Fallait y penser avant, à mettre une capote. Ton avenir, tu le sabotes, mais qu'est-ce que ça t'apporte? Et puis merde, rien n'oblige à vous côtoyer. Sur cette terre, je me sens pas chez moi, je veux un autre foyer. Un endroit où je pourrais avoir un toit sans une hausse de loyer. Quand tu coules sous les factures, t'es obligé de te noyer. Je sais pas ce qu'on va devenir, là sens-tu cette sale odeur? Pour sortir de la galère, on fera le taf d'un maraudeur. Je pense avoir plié le délire avec mes trois rôdeurs. En bas de l'échelle, nous ce qu'on veut, c'est juste prendre la hauteur. Putain, j'hallucine, man, l'humain court à sa perte. Faudra plus qu'une aspirine pour sauver la planète. Chercher l'air pur d'un air bête, jeter le futur par la fenêtre. Poubelle à la mer, que de la merde dans ton assiette. Putain, j'hallucine, man, l'humain court à sa perte. Faudra plus qu'une aspirine pour sauver la planète. Chercher l'air pur d'un air bête, jeter le futur par la fenêtre. Poubelle à la mer, que de la merde dans ton assiette. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe, j'ai tellement mal à la nuque. La big antenne. Oh god damn it, je sens plus ma putain nuke. Right. Et oui, ladies and gentlemen, vous êtes toujours sur le 107.0 puisque bon. Comme on y est toujours là? Bah ouais, en fait, ouais. Sérieux? Toujours. T'es déphasé, Drex. Vous êtes toujours sur la fréquence qu'il vous faut sur le 107.0 sur Radio Gamelzo. Vous êtes sur la big antenne, bâtard. On vient de vous régaler, ou on espère, ou en tout cas pas trop gonfler, avec des titres de notre cru, avec un morceau céleste, n'est-ce pas? C'est tellement inspiré. Bien et tellement nul en même temps. Ah bah après, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord, hein, mais bon, après, si les gens sont pas contents. Et si les gens ne sont pas contents, on peut toutefois leur conseiller de nous appeler pour se plaindre. Il n'y a pas de remboursement, cela dit. Ceci dit, il n'y a pas de remboursement. Mais si toutefois ils souhaiteraient exprimer un désaccord avec notre musique ou alors avec notre programmation ou musicale... Ou certaines de nos paroles. Un seul numéro, peut-être. Le 03 29 62 40 40. 03 29 62 40 40. S'exprime dès maintenant. Vous pouvez passer un coup de fil. N'hésitez pas, si vous voulez passer un petit bonjour. Mick, Oui. Est-ce que tu me réveilles là. Allez. Est-ce qu'on offre quelque chose à quelqu'un qui passerait un petit bonjour? Qu'est-ce qu'on a? Je sais pas ce qu'il nous reste. Hein. Oh là, on est en rupture de stock surtout. Allez, on vous offre une cartouchière de balle, une cartouchière de balle et un t-shirt du fond du crew. Allez, on offre un t-shirt du fond du crew. Voilà, t'as vu, c'est comme ça, franchement. 03 29 62 40 40. Le premier à passer un coup de fil repartira avec un t-shirt du fond du crew à sa taille. À sa taille, qui joue très non des moindres. En tout cas, voilà, on vous a laissé avec donc un morceau, le morceau "L'humain court à sa perte". On fait du rap écologiste en fait maintenant. Yannick Noah l'a fait avant nous, mais c'est pas grave, on essaye, c'est un marché qui peut être porteur. Hein. Il fallait le faire. En fait, on fait du greenwashing, comme ils disent les quinries. Du greenwashing, c'est pour s'acheter une comme bonne... Comme dit Trio aussi. Aussi, ouais. Le greenwashing, ça consiste à s'acheter une bonne conscience écologique, une image de marque écologique. Toutes les marques font ça, que ça soit... Tout en faisant de l'argent. Tout en faisant du pognon, en fait. C'est le principe du greenwashing. C'est faire croire à des hipsters de merde que c'est bio et éco-certifié, tout en permettant d'augmenter d'au moins un tiers le prix du produit réel, quoi. Fume cette bœuf californienne. Voilà, exactement. Elle est bio, elle est bonne. Social traître. au goulag. Mon petit Drex, est-ce que on régalerait pas les gens encore? Parce que de toute façon, on a travaillé si, pendant ces fêtes de Noël. On a encore deux tueries pour les gens. Eh ben, je pense que les gens vont avoir droit à ces tueries. Il y a un morceau de toi en solo, n'est-ce pas, mon cher Drex? Un morceau de toi en solo qui s'appelle Terminé. Alors même, je le découvre en termine. Même temps que vous. Hein. Termine. Tu peux nous en parler un peu du morceau là, peut-être? C'est un morceau dont je me fous particulièrement. Non, je déconne. En vrai, non, c'est un morceau qui compte vachement pour moi et que je trouve vachement cool. Et qui parle... En fait, je me mets un peu à la place des élites et je dis qu'en gros, à leurs yeux, on est que de la merde, tu vois. Enfin bref, mais le morceau, j'ai pas les mots là. D'accord, très bien. Non, bah écoute. Et puis, d'émotion. Et puis juste après, on balance aussi une petite trappe qu'on vous a concoctée. Et une lourde trappe. Une brutale trappe. Le morceau s'appelle Moine Sophiste. Alors pour ceux qui se posent la question, les sophistes, les moines sophistes, c'est un ordre catholique, un ordre religieux catholique. Et les moines qui étaient les moines sophistes, donc consacraient leur vie à l'étude des textes saints, à l'étude des sciences, à l'étude et à l'introspection. Donc, c'est bien. Écoutez et vous verrez. On vous laisse avec ça dans les oreilles, sans plus attendre. Messieurs, dames, restez connectés, vous êtes sur le 107.0. Here we go. Ce sera trop tard pour tes larmes, ce sera trop tard, tu seras perdant. Trop tard pour sauver ton âme, trop tard pour un pardon. Trop tard, c'est tard d'avoir tout ce sang sur tes mains. Nous dominer, nous salopards dans notre cage de macaque. C'est pas pour rien, c'est que je suis mal si j'adore me mettre bien. J'enfonce ma rage au fond d'un pochon pour pas passer à l'attaque. Éternel angoissé, anxiété même près des miens. J'ai tendance à penser que notre existence est une arnaque. J'aime pas détester, je préfère aimer, mais je ne peux pas t'aimer. Je voudrais être indifférent, juste un coup de patte et maîtriser la situation là. J'agis comme un triso, je mets le doigt dans la prise. Oh merde, encore une crise horrible d'iso. J'suis même plus triste, j'm'extirpe de la matrice. Je trisse en dehors du tuyau. J'suis pessimiste parce que j'ai vu que des choses que j'pensais simples n'étaient pas possibles. Alors j'crois plus en trio. Peut-être que des consanguins humains. J'ai des destins, j'crois qu'il faut que j'en fume un. Casse pas les couilles, va taffer, achète ton cumin. Ou va te calmer, fuck, pour nous tu n'es que du purin. Paniquer ta race de merde, humain. J'l'ai vivement que j'en ai plus un. Nous fais pas chier, bosse ou crève de froid sous un pont. On s'en branle, nous sommes bien, nous sommes ta putain. Mentalement masochiste et je prends peu soin de ma carrosserie. Mes fenêtres ont des carreaux gris, dépend par qui le tarot se lit. V'là l'équilibre, même la rose pique. Mais qui est le putain de fils de pute qui a rendu l'art horrible au stylo mis sans âme au paroxysme de la beaufrie. Seigneur, je tente leur chance comme si cette merde c'était la loterie. Tu seras jamais clair même avec un putain de chromie. Tu seras jamais chaud, arrête le rap, tu me refroidis. J'ai pas envie de sourire, pas envie de parler. Si je pouvais mourir dans mon sommeil, ce serait parfait. Pas besoin de tout me dire pour que je comprenne que t'es taré, c'est mal barré. On sera sûrement jusqu'au dernier soupir. J'écris la plinote, suis-je plus rappeur sans ma batterie? J'attends la pluie, la bonne excuse pour pas sortir. Je compte pas sur la France cette pute, mais sur les orties. J'encule la République, je suis toujours le même sans la patrie. Vous n'êtes que des consanguins humains. Je vous déteste, hein, je crois qu'il faut que j'en fume un. Casse pas les couilles, va taffer, achète ton cumin. Ou va te calmer, fuck, pour nous tu n'es que du purin. Va niquer ta race de merde, humain. Je l'ai et je t'ai et vivement qu'il y en ait plus un. Je vais vous laisser nous terminer, je crois. Je vais nous laisser vous terminer, je crois. les cartes et m'occuper des jokers. Y'aura pas de mauvaise donne si mes potes montent en l'air. Car je suis un peu comme ton mur et je pose mes portes barrières. Ai-je besoin de me justifier pour mes références? Non, je n'ai pas été encassé et je sais placer mes ans. Quand on sent l'ignorance, c'est quand on est cultivé et qu'on se rend compte que l'on ne sait rien. Pour blaireau en dimanche, qui parle de tout et de rien. Au goulag, tu peux briller, mais surtout pas parmi les miens. Je serai un moine sophiste et toi, un pauvre connard un peu triste. Il se roule dans la bêtise et oublie les vraies valeurs. Pas plus ton baiser ta mère, putain de sale Instagrammeur. Hey, qui tu crois influencer derrière ton profil Twitter? Pas besoin de publicité ou de placement de produits. Pas pour me dire ce que je dois acheter et comment je dois vivre ma vie. Et comment je dois vivre ma vie. Mes vrais parents c'est Trey Parker et Matt Stone. J'écris une chanson, je la prends par cœur et je bastonne. Mes yeux sont ouverts, je remets le couvert. Est-ce qu'on va galérer? Moi ça m'en a tout l'air. Je préfère quand c'est tout versant, je peux pas rester tout frère. C'est corps poussière et finir dans poussière. J'ai pas de talent, j'ai juste bu deux verres d'alcool. Rien n'existe, rien n'existe vraiment sauf la mort. Ils font les connaisseurs, bande sur Kendrick Lamar. Fondu des œufs de larmes avec du caviar. Non mais y'a qu'à voir. Tu prends un rappeur, tu le pompes jusqu'à l'essence. T'en fais ta star dans mon équipe qui a pas de schlag. Sauf moi, tu peux mettre un hashtag. Sauve-moi, j'tire des taffes, ça me travaille trop, j'cause pas, je n'ose pas penser à mes fautes car je sais que ma tête explosera. Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo. Vous êtes toujours sur le 107.0, vous êtes toujours sur la Big Antenne. Et on vient de vous régaler, ladies and gentlemen. On vient de vous régaler de quelques morceaux de notre composition. Avec un morceau de notre ami Drex en solo qui s'appelle Termine. Termine ce que tu as à faire, termine ce que tu dois faire. Et ouais, Vermine. Eh oui, mais Vermine, termine ma Vermine, termine. Suivi par un morceau de nos compositions aussi avec une prod de notre ami Drex, bien évidemment, dit le magicien, dit l'enchanteur. Le chaman. Le chaman, dit le troisième œil. Le gourou. Le gourou. Le marabout. Le marabout de notre musique avec un morceau qui s'appelle Moine Sophiste, Drex et votre humble serviteur, pour vous servir, messieurs, dames. Morceau qu'on retrouvera peut-être, espérons-le, s'il n'y a pas de tentative de censure de la part des instances supérieures. Espérons-le, ces morceaux qu'on retrouvera sur le prochain album du fond du coup. Ouais. Et moi, je le mets dès la semaine prochaine sur mon SoundCloud. Bâtard. Exactement. Donc, stay tuned, bitch. Ok, en français, reste connecté, bâtard. Ou salope. Ouais, mais ça c'est sexiste, faut faire attention. Non, mais il y a des salopes. Mec aussi, il y a des gars qui sont des salopes. Ah, ça on est d'accord, on est d'accord. Donc, ce n'est pas sexiste. On est d'accord, on est d'accord. À partir du moment où on est en 2020 et salope et pute, c'est non-genré. Ah, merci Drex, faudrait qu'on fasse une émission là-dessus, tiens, ça serait intéressant. Genre. Ça serait intéressant, effectivement. Comme dit Al Capote, on est tous des putes. Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. On est tous les grandes putains de la grande Babylone, effectivement. Effectivement. On va faire un petit hommage puisque notre ami Mike il est venu nous apporter une petite bouteille qui rend hommage à une personne qui nous a quitté et à qui on fait un gros bisou, qui nous entend peut-être de là où il est, espérons-le. Et déjà on aura rendu hommage à son vin et on va passer un petit morceau que notre ami Mike nous a préparé en tout cas. Donc c'est de Misty D. Reedy. Weedy avec un vieux morceau, attention là, c'est le tyrannosaure, le dinosaure du rap français qui vous annonce ça. Donc là c'est pareil, il a été chercher ça à la cave, il a trouvé ça dans un vide-grenier ou je ne sais où. Mais c'est des trucs qui doivent évoquer une certaine, quelques souvenirs mélancoliques. Voilà, les classiques, c'est important, les classiques. Et justement, on va vous faire part de ce classique-là avec un morceau qui s'appelle « Les bâtards ». Ça parlera peut-être à certains. Certains se sentiront concernés, peut-être pas. En tout cas, on va vous laisser avec ça dans les oreilles. On reste connectés puisque vous êtes bien évidemment sur le 107.0. C'est la fréquence qu'il vous faut. Encore un fake news, t'as dit. Mais rien à faire, les liens sont toujours fidèles au poste. Se prennent pour des boss, boss, boss. De la carna, joue avec ta gentillesse et t'enferme dans leur trip avec un carna. Pompe ton énergie comme un rêve d'être milliardaire sur ton dos et t'enfiler comme un. Pompe ton énergie comme un shadok. Rêve d'être milliardaire sur ton dos et t'enfiler comme un. Fuck, mais oui, dis des express, dis comme Mista. Dis oui, de maudit, Toby. Les chiens, les chiens, les faux refrains, les nechés qui te kiffent à l'excès, les bâtards, les chiens, chiens, les faux refrains, les nechés qui te kiffent à l'excès. Quant aux, quant aux, qui aurait pu penser que me sucer dans les chiottes les aurait rendus officiels dans le monde du hip-hop. Écoute, le hip-hop d'aujourd'hui, moi je suis dedans. Les réseaux de chez Brand, les gars qui mettent tout leur argent dans des fausses dents. Ça me fait gollerie, je suis peut-être intolérant, mais le possi dont l'expression érective vient de et ah, les jeunes sont dans la kiss. Demande à Kurtra, Adèle, au sacré phénomène, tous pisse. Sur les règles établies, au risque de se crier à vie dans le mouvement et le mouvement. Je l'ai déjà dit, je le répète. Je suis chitan. Les bâtards, les chiens, les faux refrains, les nechés qui te kiffent à l'excès. Les bâtards, les chiens, les faux refrains, les nechés qui te kiffent à l'excès. Déçu, déçu, la qualité de toutes tes sexus n'est pas comparable au fait que tu veuilles me marcher dessus. En l'écu, ah, c'est moi, ah, une taille. Rappelle-toi, le négro, le négro, le négro, hostile, affligeant. Le négro intelligent. Mon intention est qu'on fasse attention et ça sans prétention à l'expression. Celle qui pousse à la réflexion. Question, tu crois vraiment que je vois pas ton jeu? Parce que je t'ai laissé faire ton cirque. Regarde mes yeux, mes deux yeux bleus. Je suis pas aveugle, non, pas plus que je suis naïf. On n'est pas dans Dallas, t'es pas JR, je suis pas basse. Clip alors stop, ton me file et sache que la déception, de par ton manque de respect dans mon crâne, a fait mauvaise essai. Je n'ai jamais testé, tu risques fort d'y rester. Le seul moyen honnête, gagner ma vie, c'est mon ST. Donc ça va être chaud pour ta gueule de con si tu me pousses à contester. Protester, je vais me mettre à pester devant l'homme qui vient de la Martinique, tu ne peux qu'en pester. Donc cesse tes gestes de gonzesse, je me permets d'insister. Face à Wilda, le nec sous barou, pas un seul fond bou ne peut résister. Résister, résister. Le nec sous barou, fils t'a dit. Encore une fois, paquet à fond dans ton pion. La big antenne. Quoi? Je suis couché sur le tatami, je ne peux plus réagir. Tu es en PLS. En position latérale d'écoute, effectivement. En position d'écoute. On vient vous de laisser donc notre ami Smoka. Notre ami Smoka. On lui a fait une petite dédicace avec un gros morceau bien lourd. C'était qui sent putain d'art, bon, ouais. Bon les 90s quand même comme il faut. Ça se promène dans les 90s. Ça sonne vraiment le rap c'est franc comme on aime. Bien haineux aussi comme il faut avec le morceau Les Bâtards sur la compile L'Invincible Armada. L'Invincible Armada avec beaucoup de monde sur cette compile Walibi, donc tu disais. Beaucoup de monde et donc une compile qui fleure bon les 90. Oui, bon, et... moi tu sais, je suis pas antiquaire, hein, Mike. Hein. Avec Weedy, un morceau donc de Weedy, Les Bâtards. Weedy donc sur le sur la compil de l'Invincible Armada. On va partir un peu, messieurs dames, si vous le voulez bien, et de toute façon, vous n'avez pas vraiment le choix. Non. Hein, on n'est pas non plus là en train de faire des émissions ouvertes où c'est vous qui pouvez être les propres acteurs. Non, c'est de la connerie, ça, non, non. Si vous n'êtes pas content, un seul numéro, 03 29 62 40 40. Et vous pouvez même garnir un t-shirt si vous nous appelez pour nous insulter. Rendez-vous compte. Elle n'est pas belle, la salade. Si vous utilisez l'insulte qui correspond le plus à notre spécimen. All right. N'existe encore pas. Exactement. Un seul numéro, 03 29 62 40 40. On va partir outre-Atlantique, Mick, avec... Oui. Avec, on va prendre un peu l'avion. On va prendre l'avion, effectivement. On va changer de fuseau horaire. On va partir à New York. Ouais, hein, East Coast. Sur la East Coast. Voilà, ça fait moins long que d'aller en Californie. On va partir à New York, effectivement. Il y a des belles choses à voir aussi en Californie. Hein. Ah bah bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, pour le moment, on va rester dans la Grande Pomme. Voilà, très street. C'est très street, avec un rappeur particulièrement influent. Donc, qui existe dans la scène depuis des années. Pour la East Coast, j'ai choisi deux rappeurs, deux MC. Donc ce sera KRS-One et puis DMX. All right, donc déjà des noms qui sont un peu connus. Alors, Mick, moi je l'ai appris aujourd'hui, KRS-One, c'est des initiales. Ouais. Ça signifie donc Knowledge Reigns Supreme Over Nearly Everyone. Ouais. La connaissance règne en maître sur presque tout le monde. C'est beau en français. Même. C'est beau quand même. Bah, KRS-One, qui est pasteur, enfin tu vas nous le présenter un peu, ouais, KRS-One. Ouais. Vas-y, on t'écoute, Mich, alors. De toute façon, déjà, il a passé sa jeunesse dans la rue, et, entre rue et bibliothèque. Ah ah. Il était SDF. Ah, elle a sa jeunesse. Ça annonce la couleur, déjà. Ouais, déjà. Soit tu t'en sors, soit tu restes dans la rue. A priori, il s'en est sorti. Oui, très bien, même. Pour revenir plutôt musicalement, KRS-One déclare lui-même « Je préfère vendre une centaine d'albums à des gens qui savent ce qu'ils achètent plutôt qu'à un million qu'ils ne savent pas. » Et voilà, la messe est dite. Ouais, il a tout dit, je crois. La messe est dite. Effectivement, donc c'est du rap sans concession. Exactement. Sans concession aucune. Qu'on a pu retrouver aussi sur des featuring français. Mm-hmm. Avec Rockin' Squat. Avec Rockin' Squat, entre autres. Ouais. Ouais, il en a même fait deux avec Rockin' Squat. C'est les seuls qu'il a fait. D'accord, je croyais qu'il en avait fait deux. Non. Ouais, non. Donc pour lui, je vais présenter Crush Them. Crush Them, ouais. Motherfucker. Je pense que peut-être deux noms, ça dit rien, mais à l'écoute... Ça, sera tout monde, ça parlera. Ça parlera à tout le monde. Donc là, c'est sur l'album, sur son album The Sneak Attack. C'est ça. Alors, The Sneak Attack, est-ce qu'il parle des baskets sur le morceau-là? Non, pas du tout. Mais par contre, c'est un album qu'il a sorti en 2000. Ouais. Et il l'a sorti, il a pas mis de grosse production, rien. Il a vraiment sorti ça. C'est lui qui a fait ça de son côté, quoi. D'accord. Donc ça sent bon la cave aussi quand même, quoi. Son but pour l'album-là, c'était de... revendiquer, enfin, de montrer la connaissance, de montrer autre chose que la violence et tout ça. D'accord. Ah, donc, ouais. Il est vraiment dans une démarche, de toute façon, KRS-One. Ouais. Tu me disais hors antenne qu'il était, prêtre, pasteur. Pasteur, il était pasteur. Pasteur protestant, donc. Oui. Pasteur, et effectivement... Comme quoi, on en apprend quand on fait des recherches. C'est un artiste qui, effectivement, véhicule de belles valeurs. Il fait beaucoup de conférences dans les lycées, dans les campus, un peu partout. Il est assez prolifique. Je pense que c'est une très bonne personne. Une belle personne, et donc qui revendique un message particulièrement humaniste, ouais. Où il invite tout un chacun à se prendre en main, et où il invite aussi à l'importance de partager les connaissances, de partager le savoir. Donc on va vous laisser donc avec ce morceau donc là de notre ami KRS-One, et ensuite on enchaîne avec DMX. Ouais, DMX. It's Dark and Hell Is Out. Alors est-ce que tu connais son acronyme? Ah non, je saurais pas te dire. Ah, donc ça serait Darkman X. Darkman X. Voilà. Un autre homme noir, plus ou moins. Oui. Plus ou moins, ça se traduirait plus littéralement plus ou moins comme ça, ouais, exactement. Avec le morceau, donc, tu avais dit. Avec le morceau. Rough Rider. Rough Riders Anthem. Ouais. Rough Riders Anthem, donc c'est un live qui. Ouais. Alors, ça vient du premier album studio de DMX, donc 98 encore. Ouais, quand même, ouais. Et. D'habitude, sur l'album-là, il est plutôt sombre, plutôt dark. Mais sûr, c'est la seule qui est assez calme, assez la dernière. Calme, voilà, il a terminé calmement. Donc voilà, un artiste DMX particulièrement influent à la carrière internationale. Il a des beaux exploits quand même. Du coup, en faisant des recherches, t'es bien fait piéger. Ouais, oui aussi, oui. Mais ouais, j'ai appris qu'il était père de 15 enfants. Oh, pas mal quand même. Ouais. Assez prolifique, hein. Ouais, ouais. Assez prolifique. On est des petits joueurs. Hein. Qu'est-ce que j'ai pu lire aussi ? Allez, alors, il a fait 7 albums solo, mais devine dans combien de films il a apparu ? Oh, pas mal à mon avis, hein. Pas mal de films. 21 films. 21 films quand même, ouais. Putain. Ouais, c'est... Donc, est-ce qu'il y a des films particulièrement notables dans sa filmographie ? J'ai regardé, il n'y a pas beaucoup de films que je connais. C'est, à mon avis, c'est des apparitions. Le genre de film que tu trouves dans le rayon, rayon du fond. Ouais, où il y a une scène de gangster et ouais, il doit être dedans. À la Pikachu. Ouais. On ne citera pas de marque, Drex, on l'avait dit. Attention. C'est pas vraiment une marque. Il y a une autre petite histoire sur DMX aussi qui m'a, qui m'a un peu touché. C'est que quand il avait 9 ans, il a adopté un pitbull. Mais il sera abattu par la police, malheureusement. Fuck the police. Je pense qu'à 9 ans, son petit chien, il devait bien l'aimer. Alors peut-être que ça a peut-être influencé son art, peut-être. Peut-être. On peut envisager ça. Et puis bon, bah, c'est vrai que peut-être que grandir à New York dans les 90s, forcément qu'on est le fruit de son environnement, forcément que ça va influencer, bien évidemment, son écriture, sa manière de rapper et son rapport au monde, bien évidemment. Vous n'aurez pas les mêmes artistes, on n'aurait pas les mêmes DMX n'aurait pas eu le même parcours s'il aurait grandi à Richmond, par exemple. À Richmond, bah, DMX est assez connu. Ou à Saint-Amé. Côté pénitentiaire, il est assez connu, DMX. Oui, ah bah il oui, passe oui, assez de séjours là-bas. Oui, ah bah oui, à mon avis, il y a des chances que c'est ça qui nous différencie des States, hein, de toute façon. Hein. Donc, oui, voilà. Quand on voit qui est-ce qu'on envoie en prison, franchement. Oui. Hein, C'est pas glorieux, c'est pas resplendissant, quoi. Donc on va partir directement, ladies and gentlemen, outre-Atlantique. On arrive à la Grande Pomme. Here come we are on the Big Apple. On est à New York, messieurs, dames. On va vous laisser avec un morceau de KRS-One sur le titre, avec le titre Crush Them, suivi par DMX avec le titre Roof Rises Anthem. C'est parti, en avant la musique. Vous êtes sur le 107.0, c'est la fréquence qu'il vous faut. We crush them and they click. Let me tell you right now what you supposed to get. You supposed to get free and intelligent. Not a platinum plaque, that's irrelevant. We crush them and they crew. Let me tell you right now what you supposed to do. While they floss with the cha-ching and all the rings, you stay focused, keep doing your thing. You cannot get the diamond ring if you can't really sing, or if you haven't got a skill that you ready to fling. What you bringing to the table if you're not really able? Trying to get to the top like the Tower of Babel. Back in the days, remember all the old gold cables where they at now? So when they dropped from the label, all the money they gave you made you very unstable. They really enslaved you, but you wasn't able with the coke in your nasal to see. You up in the crib, but they rocking your cradle. You were joking, you fatal. They made you an MC, meaning most confused, not E-M-C-E-E. That's what I use. Many people really wanna know from me when I'ma drop and they can go cop the next LP or CD or TAPE. You see, it's about word of mouth for me. We crush them and they click. Let me tell you right now what you're supposed to get. You're supposed to get free and intelligent. Not a platinum plaque, that's irrelevant. We crush them and they rap. Yo, they don't really know where the money is at. And what's funny is that, as if you just stay focused, they'd be the one to be the brokest. I'm from the inner city, that's right. Flashy asses and titties, that's right. No pity, mad graffiti, that's right. Broken gang treaties, that's real. I speak complete broken slang freely at will. I spit what I'm about to spit, get what I'm about to get. Never no counterfeit, moving about a bit. Knowledge reigns supreme, only a few like the sound of it. Others can't get down with it. So why did I have to come off my sabbatical? Battle you, my men are chromatical, will splatter you. I got another track to do, I can't mac with you. Your rhymes are fictional, mine are factual. I'll embarrass you, I'm glad to do. I'm the teacher, but in the streets it can be bad for you. I feel sad for you, cause you frontin' like you getting ahead, but you really on E instead. I've come to show these people you're not my equal. All you want is a cash and a hoe and a see-through. Yeah, KRS-One coming through with the Breeze team. You know how we do, we crush them and they click. Let me tell you right now what you're supposed to get. You're supposed to get free and intelligent. Not a platinum plaque, that's irrelevant. Yo, we crush them and they squaw. Let me tell you right now that it's all about God. You can walk around the streets like you living it hard, but a real teacher know when you scar. I refuse to be bought, I refuse to snooze. I refuse to come up short, I refuse to lose. I refuse to be caught in the court. I refuse to refuse being taught. I refuse evil thoughts, cause they hold your shit swag. Track swag, you're whack, your pack's whack. In fact, I jap slap that, cap at that. Now, retract that crap, wherever I'm in or at. You better go back and sip that crack. Bring your gat, I'm loving that. Like football, you'll be running back. Blazing them, merely dazing them, barely playing them out. These are God's lyrics, I'm just saying them out. We crush them and they click. Let me tell you right now what you're supposed to get. You're supposed to get free and intelligent. Not a platinum plaque, that's irrelevant. We crush them and they crew. Let me tell you right now what you're supposed to do. You're supposed to be buttoned up right to your neck. If you a woman, you'll get respect. Let me tell you, we crush them and they crew. Let me tell you right now what you're supposed to be. You're supposed to be a man of integrity. Above the law, you affect destiny. We crush them and they lies. This is conscious rap. We're not hypnotized. Anywhere the action's at, we rapping that. Taking it home and unpacking that. That. Y'all niggas ready? Are y'all ready? We're ready. Stop. Drop. Shut it down. Open up shop. Oh, no, that's a rough ride and roll. Stop, drop, shut it down, open up shop. Lardameur. All right, ladies and gentlemen, vous êtes toujours sur le 107.0, c'est la fréquence qu'il vous faut, c'est amazing. Qu'il vous faut. Bien sûr que c'est ce qu'il te faut, Drex. Bien sûr, on vient de vous laisser avec du gros son qu'un riz dans les oreilles qu'on affectionne particulièrement, avec un morceau de KRS-One avec le titre Crush Them, suivi par DMX sur l'album It's Dark and Hand Is Hot. Tu veux une autre petite info sur DMX? Oh bah écoute, vas-y, hein, c'est le même prix. Hein. Eh bah, il confie une entrevue qu'il est bipolaire. Qu'il est bipolaire? Ouais. C'est-à-dire qu'il a deux pôles. C'est ça, nord-sud. Ah, comme tout le monde finalement. Oui. Comme tout le monde. Mais DMX, voilà. Après, c'est vrai qu'on n'est pas dans la même démarche, à mon avis, artistique KRS-One, DMX. Je ne suis pas certain que DMX. Mais ils ne sont pas du même quartier déjà. C'est pas le même quartier. C'est peut-être lui un Crips, l'autre c'est des Blood. Je ne suis pas sûr que DMX puisse être pasteur par contre. Tu sais. Non. C'est pas trop dans. Peut-être moins le genre de. Il y en a un qui est devenu pasteur. Bah, KRS-One. KRS-One est pasteur. Petite liaison avec Alpha 520 qui est devenu imam. Exactement. Il y a un fil conducteur au sein de cette soirée, c'est la religion. On fait des textes inspirés de Rex. Comme beaucoup en ce moment. Bah, on a beaucoup travaillé sur l'émission. Et on a fait un texte sur les moines sophistes, un truc sur les moines sophistes aussi tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est un thème qui tient à cœur en ce moment, la religion Geekbiv. Sartre disait, mon cher Drex, le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Jean-Paul Sartre le disait, à toi de voir si peut-être qu'on assiste à des résurgences de sentiments religieux aujourd'hui. Est-ce que c'est signe, c'est annonciateur d'une société qui va mal ? Peut-être. On n'aura pas l'occasion en tout cas de débattre de toutes ces questions en moins de 10 minutes puisque le temps passe et passe et beaucoup de choses ont changé. Mais effectivement, l'homme a besoin de construire des cathédrales, des paroisses, des temples, des mosquées, des synagogues. Oui. Et bien d'autres choses. Oui. L'homme recherche toujours la vérité, Drex. Faut le savoir. Y compris nous. Et toi, quelle est ta vérité, mon cher Drex ? Quelle est ta vérité ? Est-ce que tu as une vérité ? Est-ce que, par exemple, tu pourrais dire que tel artiste t'aurait influencé ? T'aurait apporté un semblant de vérité ? Bah, y a plusieurs artistes qui m'ont influencé. Après, tu veux dire dans quel sens ? Dans le sens du rap ou non, de la musique ? Non, dans le sens où je cherchais à faire une transition un peu gâchée, un peu ratée, pour annoncer le prochain morceau. Mais, ah ouais ? À niveau des prods, par contre, il y a un mec qui est putain de bordel de ouf, qui est anglais, qui s'appelle MF Doom et qui fait vraiment du son de ouf et qui rappe aussi. Il est toujours masqué. Et là, du coup, on va vous passer un petit extrait de deux sons d'un album qui s'appelle Abstract Orchestra. Donc, Mad Villain Volume 1, that's it. Exactement. Donc, les vilains un peu fous, hein, plus ou moins, littéralement. Voilà. C'est à peu près ça. Donc, un album de MF Doom avec le titre, tu nous as dit, donc, Drex, les titres Accordéon. Clust, je crois. Curls et. That's it. Et la 4 et la 5. Et suivi par Fancy Clown. Exactement. On va vous laisser donc, messieurs, dames, avec du MF Doom, puisque c'est ça qui vous réjouit les oreilles. A priori, de la musique sauvage et agressive, comme on affectionne particulièrement. On reste connecté. Vous êtes sur la Big Antenne. We'll be right back. Hey, ladies and gentlemen, vous êtes toujours connectés sur le 107.0 puisque c'est la fréquence qu'il vous faut, bien évidemment. Et il semblerait que le temps passe et qu'on doit malheureusement rendre l'enseigne. L'antenne, on va vous laisser, messieurs dames, n'oubliez pas de nous suivre, on revient le mois prochain pour une nouvelle émission, et on va vous laisser avec un morceau, bah écoutez, ma foi, on fait ce qu'on veut, avec un morceau de Snoop Dogg, featuring R. Kelly, That Shit. D'une extrême nostalgie. Pour toi, mon petit Drex, alors écoute, on va te laisser ce petit morceau, et on vous fait des gros bisous à tous, gros big up à tous ceux qui nous écoutent, gros big up, vous avez des big up à passer Ouais, à tout le monde. Ouais, merci Mick, comme ça au moins c'est fait. Drex, t'as des big up? Pareil. Ah bah moi je fais des big up, allez on fait des big up peut-être à la courgette qui nous écoute, peut-être, allez ouais, gros big up au frangin. Big up frangin. Big up à ceux qui nous écoutent dans le sud aussi, comme ceux qui nous écoutent dans l'aube. Tous ceux qui nous écoutent, tous, spéciale dédicace à tous ceux qui ont fait les émeutes. Tout partout la France. Nique sa mère, ceux qui n'ont pas fait les émeutes. Et puis voilà, on va vous laisser avec Snoop Dogg. That shit. For 20, bro. For you, bro. On reste connectés, bande de bâtards. Les couleurs. Et on reste en ligne. Et en tout cas, continuez à soutenir et restez connectés. Stay the same. On se voit le mois prochain. Bande de bâtards. Big antenne. Antesse.